Clint Eastwood. Fais gaffe, il a un front, putain, c'est pas un flingue de PD, là. Ceci est le soufflant le plus puissant de la création. Le Magnum 747. On peut d'une balle arrêter la charge d'un troupeau de bulldozers. Alors fais un geste. Dirty Henry is back in the jungle of the city. Qu'est-ce qu'il est dégueulasse ? Ah, il pue ! Je pue peut-être, mais j'ai un gros flingue. Camarades Bourrinos, les séries de films qui se déclinent sur de nombreux épisodes, il y en a beaucoup. Mais des séries de films qui s'étalent sur 17 ans, il y en a déjà beaucoup moins. Si en plus on ajoute que cette série ne comporte que 5 films, alors on est face à un cas unique. En tout cas, j'espère, vu que j'ai pas trop cherché à vérifier s'il y avait d'autres exemples et c'est assez similaire. Ainsi, Dirty Harry, aussi appelé en VF Harry le Charognard, est une œuvre majeure qui trouve sa source en 1971 et qui va vivre jusqu'en 1988. Dans ses films, il y a un flic violent et hard-boiled, l'ambiance des polars de leur époque, un personnage qui aura inventé une nouvelle figure du héros, des répliques qui tuent, des flingues qui tuent, un gros flingue qui tue encore plus, et surtout, il y a Clint Eastwood. Autant de raisons de traiter la fantastique saga de Dirty Harry dans VHS et canapé, on va ainsi discuter tranquillement des 5 films en examinant l'évolution du héros, le sens de ses films, leur impact, mais aussi l'évolution de ce bon vieux Clint. Et quand je dis « on », c'est parce que je suis accompagné du spécialiste de la patate dans la gueule, l'amateur de héros badass, l'enfant caché de Chuck Norris et de Charles Bronson, j'ai nommé Bilou le Magnifique. C'est formidable comme introduction. T'as vu ça un petit peu comme je te sers la soupe. Non, je pense que là, on fera pas mieux, à mon avis. Non, tu sais, Bilou, je suis quand même très très content qu'on fasse cette émission ensemble. Parce que quand j'ai rejoint VHS et Canapé, moi, c'est plutôt sur les films d'horreur, le fantastique. Depuis le début, je me disais, mais on va bien trouver quand même des sujets où on peut se rejoindre. Ouais, parce que ouais, moi, tous vos sujets que vous avez traités avant, c'est pas du tout ma spécialité ni rien, donc je vous laissais ça entre vous. Mais oui, moi, je me doutais bien qu'on arriverait à trouver un truc en commun, et puis au pire, on va réussir à te convertir à quelques nanars noriciens ou cigaliens. Enfin, bon, c'est terrible, mais non, bah c'est bien parti en fait. C'est ça qui est terrible, c'est que je m'étais quand même fait un peu. Alors, j'ai toujours un peu aimé ça, mais sans m'y connaître autant que vous, et je me rends compte que là je commence à dévier un peu, à tomber dans le côté obscur et à vivre ce terrible phénomène de tiens, j'ai rien à faire ce soir, si je me mettais un film d'action à la con. Ouais, bah ça, oui, voilà, ça détend, c'est... franchement hein, c'est et puis il y en a bon, tout n'est pas acheté, il y en a quand même où il y a quand même moyen de passer un bon moment. Tout n'est pas du nana à rigoler, à dire que c'est n'importe quoi. Bon, non, je suis d'accord, il y a quand même quelques bonnes choses, mais bon, là c'est vrai qu'on est quand même sur du l'œuvre plus reconnue, on va dire, ce soir. Ouais, c'est ça. Alors, il faut qu'on se remette un petit peu sur le sujet, parce que sinon, moi, j'en connais un, hein, Creepers, pour pas le nommer, qui va bien se foutre de notre gueule, si au bout de 5 minutes d'émission, on est déjà en train de digresser sur toute autre chose que le... Non, c'est clair. En plus, on s'est bien foutu de sa gueule, là, juste avant, donc, au bout de 3 minutes de bazar, on aurait l'air con, là. Ben, ça va pas du tout. Alors donc, vous l'avez compris avec l'intro, hein, le sujet de cette émission de VHS et canapé, donc c'est Dirty VHS Make My Day, c'est la saga Dirty Harry, le héros ultra emblématique, hein. Et c'est aussi une petite façon détournée, bon bah de parler de Clint Eastwood évidemment, hein, y a un petit peu ça. Alors, le programme est un peu chargé, hein, ça fait quand même 5 films. Si vous avez l'habitude de nous écouter, vous savez qu'il peut nous arriver d'être un petit peu bavard. 5 films, ça fait quand même 5 fois l'occasion d'être bavard. Oui, ouais, certains plus que d'autres. Ouais, certains plus que d'autres. Donc, on va quand même essayer un petit peu de surveiller le timing, surtout que Creeper s'est un peu aussi moqué de nous, parce qu'on allait encore faire très long. Ouais. Donc, on va essayer d'être peut-être moins bavard, peut-être plus concis, je sais pas. Ouais, je pense que c'est une bonne motivation, ça. Ouais, c'est ça. Va bien nous se foutre de notre gueule, là. On va en parler pendant 3 semaines. Donc, on va quand même faire gaffe. Alors, écoute, pour expliquer un peu comment ça va se passer, on va traiter chaque film les uns après les autres. On va d'abord parler du film en tant que tel, et après on va étendre un petit peu la discussion, notamment pour ancrer le film dans son époque, dans le moment où il est sorti, parce que c'est ça qui est beau avec la saga Dirty Harry, c'est ce que je disais en intro, c'est qu'elle porte sur une durée complètement dingue. Ouais. Et quand on regarde les films, de notamment d'affilée, ce que j'ai fait, c'est particulièrement marquant de voir à quel point les films sont finalement ancrés dans leur époque respective. Ouais. Ce que je te propose, c'est qu'on attaque tout de suite. Hein. Oui, Dirty Harry 1, le premier. This is about a movie about a couple of killers. Harry Callahan. And a homicidal maniac. The one with the badge is Harry. Halt! There were a lot of reasons they called him Dirty Harry. And he kept inventing new ones. Mr. Mayor, Inspector Callahan. All right, let's have it. Have what? Your report. What have you been doing? Oh, well, for the past 3/4 of an hour, I've been sitting on my ass in your outer office, waiting on you. Damn it all, Harry, that's the mayor you're talking to. Clint Eastwood. Detective Harry Callahan. You don't assign him. Stop! To murder cases. You just turn him loose. Oh, what the hell is he doing up there? En VF, c'est l'inspecteur Harry, donc qui est sorti en 1971. Alors, c'était un film avec un budget de 6 millions de dollars. Et qui a plutôt bien marché, qui a fait 36 millions aux US, 750 000 entrées en France. Donc de quoi ça parle ce premier film ? Alors ça parle d'un tueur en série, Scorpion, qui tue au hasard, enfin pas tout à fait, puisqu'il annonce son prochain crime, qui, comme quoi il se fera sur un prêtre catholique ou un nègre. Comme quoi il a un petit peu déjà resserré. Ah oui, excusez-moi pour le vocabulaire, hein, 71, on avait le droit de dire ça. Et donc il réclame une rançon à la ville, sans quoi il continuera de buter à tout va. Et face à lui, Harry Callahan, un flic intraitable et irritable aux méthodes pour le moins expéditives. Et avec ça, eh bien, on fait un film qui a quand même marqué son époque. Ah oui, non, clairement, c'était pour les bonnes et mauvaises raisons. Enfin, disons qu'il a marqué aussi dans termes de manière négative, hein, parce que c'est vrai que ça a quand même sacrément râler, on va dire, à la sortie du film. Hein. Et on peut comprendre, ouais, alors, on peut comprendre pourquoi, quand on s'imagine les années 70 et un tel film sortir, hein, c'est vrai que... Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ce film s'est monté, comment il s'est construit, comment on est arrivé à un résultat pareil ? Ça a eu beaucoup d'hésitations au départ. Hein. Il y a beaucoup d'acteurs qui ont été envisagés, et comme je venais de dire, justement, comme le film a quand même beaucoup marqué à sa sortie, il y a eu quand même beaucoup de problèmes par rapport à la violence, hein, du script qui, dans lequel il a été écrit. Donc il y a aussi un livre, hein, qui a été aussi à l'origine, mais le script écrit, voilà, comportait quand même beaucoup de violence, et comme c'était pour un rôle vraiment, un rôle d'homme à poigne, vraiment quelque chose de dur, il y a eu quand même des acteurs quand même bien connus, hein, John Wayne, Frank Sinatra, Robert Mitchum, Steve McQueen, Paul Newman, Burt Lancaster, enfin voilà, c'est quand même du beau monde, hein, on va dire. Ouais, tout a été envisagé, quoi. Ah, ils ont fait un peu tout parce que certains refusaient, certains ne pouvaient pas, bon voilà, ils avaient été occupés à autre chose. Il y en a quand même beaucoup qui ont refusé parce que, vu la violence un peu qui se dégageait du script, ils se sont dit, c'est peut-être un peu too much pour moi. Le côté un peu, la fin justifie les moyens, a repoussé certains, comme Burt Lancaster l'a dit textuellement, il dit non, moi je fais pas un film comme ça, avec un message derrière, jusqu'au boutiste. Donc, on peut le comprendre, après chacun ses convictions. Et il y a McQueen, lui, il voulait plus tourner de rôle de policier après Bullitt. Pourquoi ? Bon, je ne sais pas s'il voulait. Pourtant, ça l'aurait fait. Hein, bah oui, McQueen, franchement, je pense que ça l'aurait fait. Il aurait plutôt bien tenu le Magnum 44. Si tant est qu'il se serait retrouvé aussi avec ça, après, qui sait aussi. Parce que c'est vrai que Clint Eastwood a quand même beaucoup joué dans ce qui est devenu Inspecteur 1, il est vraiment pour beaucoup de choses, on le verra. Bah, il a amené beaucoup de choses. Mmh. Mais bon, après, est-ce qu'il voulait passer autre chose? Est-ce qu'il voulait garder, que les gens gardent un peu cette image de lui, que de Bullitt, qui a quand même franchement bien marché, qui a aussi marqué quand même son époque, qui d'ailleurs se situe aussi dans la même ville, au final, que les inspecteurs Harry. Un petit peu par hasard, hein, parce que ça devait pas être à San Francisco. Il y a beaucoup de choses, des fois, qui se sont fait un peu comme ça. Bon, c'est aussi à ça qu'on reconnaît des fois les grands films, hein. Des fois, tout se passe pas comme prévu, et des fois, bah, c'est pour le meilleur, et des fois pour le pire, quoi. Donc il y a Paul Newman, trouvé lui le personnage beaucoup trop à droite pour lui, et alors parce que c'est marrant, il s'est dit par contre ce serait parfait pour Clint Eastwood. Alors, ouais. Je pense que le type avait déjà un peu sa répute, hein, déjà dans le milieu à mon avis. Bon, mais voilà. On en parlera un peu plus tard. Ouais, voilà un peu comment ça a échoué, on va dire. Bon, échoué est un bien grand mot. Hein. C'est vrai que beaucoup de monde a détourné les talons, mais bon, Clint Eastwood s'est dit, ah, tiens, ouais, ce serait pas mal. Donc, voilà, je pense qu'il allait jusqu'à dire qu'il se reconnaissait. Bon, peut-être pas, mais disons qu'en tout cas, ça lui parlait, quoi. Il a mis ses bubbles sur la table, hein, parce que, comme tu l'as rappelé, dans le contexte, on est sur un film qui est quand même très très violent, qui a aussi un point de vue assez radical. Il fallait oser le tourner dans un film comme ça, et ça marquait, j'ai l'impression que ça marque cette époque où, qui s'est peut-être jamais arrêté, où Clint Eastwood il a toujours eu le nez creux en fait. C'est vrai que quand on regarde, après c'est comme certains qui arrivent à s'entourer de certaines personnes, qui arrivent à être bien conseillés, qui sortent des fois, après ils peuvent se tromper aussi, hein. On verra que des fois il y a des choses qu'il a appréciées dans les scénarios qu'on lui tendait, qui sont au final pas des meilleurs épisodes de la série, mais bon, voilà, ça peut pas fonctionner à tous les coups, mais c'est vrai qu'il y a certains acteurs, et c'est comme ça que certains tirent leur épingle du jeu, qui ont vraiment un bon feeling sur certaines choses, qui savent quelles choses ils doivent tourner et lesquelles ils doivent pas le faire, enfin bon. Ouais. Donc, il a quand même amené beaucoup de bonnes choses sur ces films-là, et on peut dire que oui, grandement, si c'est devenu ce que c'est déjà grâce à lui, sa présence, son charisme, mais aussi aux décisions derrière qu'il a amenées, aux choses auquel il a participé, etc. Donc c'est vraiment, il a vraiment un mérite assez fort sur ce personnage qui est devenu vraiment emblématique et qu'on se souviendra encore pendant des dizaines d'années, quoi. Ouais, mais ça m'avait donné l'impression, et là c'est là, je te rejoins quand tu dis que c'est Clint Eastwood qui amène aussi quelque chose, c'est que j'ai, pour moi, Dirty Harry, c'est un peu le même personnage que dans pas mal de westerns dans lesquels il a tourné. Oui, c'est ça, hein, vraiment. Hein. Pour moi, c'est un western moderne avec plus de protagonistes, il y a beaucoup plus d'enjeux, il y a plus de politique. Plus de dialogues, on n'avait pas l'habitude qu'il y ait des dialogues dans les westerns, mais il y a le même côté très monolithique finalement, et très, j'allais dire, déterminé, avec un peu une seule facette. C'est un petit peu caricatural, hein. On va voir que c'est pas si simple que ça. Non. Mais dans l'attitude et dans la façon d'amener le personnage, quand on voit Dirty Harry débarquer dans une rue, pour moi c'est un petit peu le cow-boy qui débarque dans la ville pour une poignée de dollars. Ah oui, mais voilà, c'est le personnage, ouais. On ne sait rien, on ne sait pas d'où il vient, on ne connaît rien sur lui, il arrive, il fait le boulot parce qu'il faut bien que quelqu'un le fasse, et puis ça se finit comme ça, on n'en apprend pas forcément plus sur lui, on sait pas, bon voilà. Et c'est vrai que c'est, pour moi, en tout cas, le premier, c'est vraiment, c'est une construction de western moderne, quoi. Alors ça, c'est peut-être pas anodin vu d'où vient justement Clint et ce qu'il a fait avant, quoi, à mon avis. Ben c'est ça, je crois que c'est un vrai rapport. Mm. Et au niveau de l'identification pour l'acteur, c'est même, je pense que c'est assez malin de faire ça comme ça. Et à mon avis, c'est probablement fait un peu exprès. C'est que finalement, alors même qu'on est dans un environnement urbain et avec un point de vue inhabituel à l'époque, en tout cas, on retrouve des attitudes qui font que finalement on a déjà nos repères avec le personnage, avec sa façon de se comporter, le coup de flingue facile, c'est très Far West, hein. Oui, c'est vrai que là il y a pas de, on a l'impression qu'il y a pas de loi. Enfin si, il y a celle de Callahan qui fait sa loi, on va dire, mais c'est vrai qu'il respecte pas forcément la hiérarchie ni la loi ou quand ça l'arrange, quoi. Parce You're lucky I'm not indicting you for assault with intent to commit murder. What? Where the hell does it say you've got a right to kick down doors, torture suspects, deny medical attention and legal counsel? Where have you been? Does Escobedo ring a bell? Miranda? I mean, you must have heard of the Fourth Amendment. What I'm saying is that man had rights. Well, I'm all broken up about that man's rights. You should be. I've got news for you, Callahan. As soon as he's well enough to leave the hospital, he walks. What are you talking about? He's free. You mean you're letting him go? We have to. We can't try him. Then why is that? Because I'm not wasting $500,000 of the taxpayers' money on a trial we can't possibly win. The problem is we don't have any evidence. Evidence? What the hell do you call that? I call it nothing. Zero. Are you trying to tell me that ballistics can't match the bullet up to this rifle? It does not matter what ballistics can do. This rifle might make a nice souvenir. But it's inadmissible as evidence. And who says that? It's the law. Well, then the law is crazy. Il y a des choses à faire, il est fait, et puis il prend des décisions à l'instant T, et le reste, les considérations politiques, la hiérarchie, tout ça, ils s'en foutent, quoi. Donc, c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qu'on... Il y a vraiment ce côté personnage unique qui avance à travers tout, quoi, et sans s'arrêter. Alors du coup, est-ce que on peut un petit peu évoluer là vers l'histoire, plutôt vers le scénario, parce que j'ai vu que tu avais un petit peu cherché deux trois petites choses et notamment des infos que j'ignorais, enfin en tout cas quand j'avais pas mis la main dessus, je me suis pas posé la question parce que je suis très naïf, tu sais. Oui. Hein. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que ce scénario est sorti, comment il a été conçu? Et ben en fait, il y a quand même comment dire. Il y a quand même beaucoup de monde en fait qui a été qui a travaillé dessus, qui a passé dessus. Voilà, beaucoup de gens sont d'affilée sont passés dessus et des choses qui ont été retenues, d'autres qui ne l'ont pas été. Et au départ en fait, bon voilà, un premier script a été écrit donc qui mettait les bases du film. Et quand fait Sinatra a été Sinatra est un de ceux qui a été le plus associé au film au départ et qui était le plus sûr normalement de le faire. Et donc il y a eu des réécritures pour coller un peu à Sinatra. Et un de ceux qui s'est collé à ça et qui a fait d'autres choses aussi sur scénario, c'est John Milius. Alors voilà, moi donc, ça je trouve ça fou. Et qui n'a pas été crédité. Et c'est aussi sûrement pour ça que d'ailleurs tu ne sais pas. C'est pour ça que ça m'a échappé. Oui, c'est pour ça que ça m'a échappé. Autant il est là au deuxième, il est crédité au deuxième, mais au premier il l'est pas. Alors que en fait il est à l'origine de beaucoup de choses. Et c'est je trouve ça assez dingue qu'il n'était pas crédité d'ailleurs. Bah, à vrai dire, avec le recul, ce film schlingue le John Milius. Ah oui, non mais oui, c'est quelque chose d'assez flagrant quand on le sait derrière. On se dit bah c'est vrai que je suis pas trop étonné, quoi, parce que tout le côté voilà le personnage sans pitié, le côté radical. Ah oui, vraiment. Mais bah oui, je crois que c'est, il y a pas d'autre mot pour le définir. Le fait que on puisse, comme la tagline hein, du film, tu l'as retrouvé et tout, t'avais remis la main dessus. C'est, il y a deux psychopathes et Harry c'est celui qui a le badge, quoi. Parce que j'adore cette tagline. C'est un peu génial. Ça. Et c'est vrai que moi ça m'a donné, ça m'a fait penser un peu au côté un peu Batman, tu vois, vraiment le sort de justicier à moitié aussi fou que les mecs qui poursuit, mais qui est jusqu'au boutiste et qui veut absolument faire la loi, etc. Et je trouve qu'il y a un petit peu ce côté justicier de l'ombre qui veut pas forcément être reconnu, connu, parce que la presse, les trucs, lui, il en a rien à cirer, ça le fait chier plus qu'autre chose. Donc il y a ce côté vraiment, comme tu disais, jusqu'au boutiste qui vient de Milus, quoi. D'ailleurs, c'est le côté un peu, on développera un peu plus tard, mais un petit politisé, quoi. C'est clairement à droite. Mmh. Ouais, parce que Milus, bon, on faut rappeler, hein, c'est le scénariste donc Apocalypse Now, à la poursuite d'Octobre Rouge, donc en GM Media, hein, des Tom Clancy avec Jack Ryan, et puis il a réalisé Conan et L'Aube Rouge, où les États-Unis se font envahir par les communistes. Bon, rien de très fin, je sais pas comment dire. Enfin, ouais, mais ça a toujours été bien mené ce qu'il fait, John Milus. C'est bien calibré. Ça fonctionne très bien. Moi, c'est un type qui est totalement à droite. Hein. Je veux dire, le type, il l'assume. Hein, c'est un conservateur de droite. Mais il s'en cache pas du tout. Lui, alors lui, dès que ça pète, dès qu'il y a des armes, des flingues et que ça tire, il est aux anges. Donc, on le reconnaît vraiment, sa patte totale. Et encore une fois, une référence qui a été à l'époque, c'était le Stray Dog de Kurosawa, qu'on avait déjà abordé dans un ancien VHS, qui est devenu à un moment... ça a été un game changer, on va dire, dans le Hollywood de l'époque, parce que bon, le Stray Dog, c'était, je me souviens, c'est dans les 50, fin 40 ou 50, qui a été vraiment un changement dans la manière de teindre, enfin de teindre la violence peu dans les films, les policiers qui sont un peu borderline, ce genre. Avant, on avait des policiers très bien, voilà, ils étaient c'était plus idéalisé, plus respectables, même si des fois, bon, ils étaient bon, ils étaient un peu blasés de ce qu'ils faisaient, ou ils avaient l'impression qu'ils le faisaient des fois pour rien, ou des choses du genre. Bon, c'était pas encore, c'était pas encore aussi violent, mais là, vraiment, ça a été une pierre angulaire qui a changé beaucoup de choses et qui a inspiré beaucoup de films. Et Milus l'a dit que pour lui, c'était vraiment une référence ultime à l'époque, quoi. Et d'ailleurs, son Scorpio, en parlant de référence et qu'il allait très loin, son Scorpio était aussi 10 fois pire que ce qu'il y a dans le film. Je veux dire, il lui faisait faire des choses 10 fois pires avec les enfants, il est menacé de tout faire exploser tout le monde. Enfin bref, c'était vraiment, pour lui, il disait, il a vraiment été vraiment très très loin, il voulait vraiment faire un personnage horrible qui soit vraiment abject. Ça a été un peu calmé dans la version finale, mais il a vraiment été très très loin. Ouais, pour le coup, c'est devenu peut-être un petit peu autre chose, mais qui est très intéressant aussi, avec un Scorpio qui est finalement un peu taré, qui a, on va dire, des excuses. Ouais, c'est peut-être un peu exagéré, mais en tout cas, on sent un personnage torturé pour lequel on arrive un peu à avoir de l'empathie à un moment donné, ce qui n'aurait sans doute pas été possible si dans une version où il abuserait. Je dis ça alors qu'il abuse carrément dans le film. Oui, non, enfin, je veux dire, il flingue des gens, il les tue, c'est un salopard quand même. Oui, hein, non, non, d'accord. Et l'acteur d'ailleurs, le pauvre, il a un peu galéré parce qu'après le film, ouais, il a reçu des menaces de mort, il a dû se mettre sur liste rouge, il se faisait harceler. Enfin, c'était. Faut dire qu'il joue vachement bien quand même. Il le fait super bien. Il y en a des fois, ils cherchent la merde parce qu'ils quand même, ils ont déjà la tête qui va avec. C'est ça. Mais alors là, c'était vraiment. Alors que. Ah, t'as des acteurs. Faudrait qu'on leur explique qu'il faut pas qu'ils soient trop bons dans leur rôle voilà. Quand ils jouent des salopards. En plus, en fait. Le pauvre type, c'est un pacifiste total. Voilà, c'est vraiment pas de bol pour lui parce que c'était, il avait même du mal à tirer. Hein, quand il fallait qu'il tire, il avait du mal. Il avait dû être envoyé en entraînement pour tirer avec des armes parce qu'à chaque fois, il déteste les armes. Enfin, le pauvre gars, il est vraiment tombé au mieux, mais il est très bon. Vraiment, il est très bon. Alors sur la conception du film, est-ce qu'on peut s'arrêter un petit moment sur le réal, sur Don Siegel, qui a tourné le film. Déjà parce que c'est quelqu'un que j'aime bien. Alors tu disais qu'ils avaient déjà travaillé ensemble avec, Clint Eastwood. En fait, bon, c'est Clint qui l'a ramené hein, parce que voilà, c'était une condition de son contrat. Il dit d'accord, je fais le film, mais c'est Don Siegel qui réalise. Donc faut savoir qu'avant Don Siegel, il y avait eu pas des rumeurs, c'était vraiment prévu. Il y avait Sidney Pollack à un moment qui était associé. Il y a eu Erwin Kershner qui était associé tant que Sinatra était là. Quand Sinatra est parti, Kershner est parti aussi. Et Eastwood, c'est lui qui a ramené Siegel parce qu'ils avaient déjà travaillé trois fois ensemble. Donc ils devaient bien se connaître et avoir bien travaillé. Ils ont fait un Shérif à New York, donc Sierra Torrid, hein, ce qui est plus connu sous le nom des deux mules pour Sister Sarah, là. Et Les Proies, donc qu'ils avaient fait. Ouais, avant. Surtout Les Proies, moi, qui me parlait avant. Ouais. Et c'était en plus un réalisateur qui à l'époque, encore maintenant peut-être, je sais pas si c'est encore comme maintenant, les acteurs, les réalisateurs, ils avaient des contrats avec des studios. Ce qui fait qu'ils ne pouvaient travailler que pour un studio, et Siegel était sous contrat donc avec Universal, et Eastwood voulait tellement qu'il vienne, donc qui était un film qui les droits d'adaptation ont finalement échoué à la Warner, parce que aussi les droits d'adaptation ça a été un peu compliqué, parce que personne, tout le monde se refilait le bébé en gros, parce que ouais, ça disait, fait partie un peu de ces droits que tout le monde a envie d'avoir ouais, sans trop vouloir les exploiter. Ça va être compliqué, hein, voilà, ouais. La télévision, le film, là, c'est compliqué, puis c'est la Warner qui les a eus, et donc Eastwood a carrément été négocié avec le boss d'Universal pour qu'il puisse prêter Siegel pour qu'il puisse faire le film. Donc il était vraiment motivé, Eastwood, pour l'avoir. Et on peut lui dire merci, je pense. Ouais, parce que c'est probablement parce qu'ils étaient copains, je pense. Parce que Siegel, lui, n'est pas un type, à mon avis, qui. Je pense pas qu'il est marqué par un style de réalisation particulier. D'ailleurs, quand on voit des reportages ou des trucs sur lui, c'est pas un type qui a une énorme ambition. Mais par contre, moi je l'aime bien parce que c'est toujours très propre. Et je trouve que ça fonctionne à merveille dans ce premier film de l'inspecteur Harry. Parce que finalement, c'est une réalisation que je trouve très, très carrée. Donc du coup plutôt raccord avec le sujet du film, très aussi dans l'air du temps, ce qui nous intéresse pour le sujet du jour, puisque finalement on est bien dans ces polars des années 70, c'est sec, c'est ça va droit au but, c'est assez simple. Ouais, il y a pas de fioritures en fait. Et au milieu de ça, il nous sort des plans qui sont parfois vraiment superbes. Alors je repense à un plan de la croix lors de la poursuite. Ou avec Clint qui a la rançon dans son sac. Il y a le plan emblématique hein, quand Clint sort dans la rue avec son pistolet à la main et qu'on le voit en plan large traverser toute la rue pour se mettre à flinguer à tout va sur les voyous. Mm-hmm. Alors là c'est vraiment superbe comme scène. C'est la scène très connue. Et également bien sûr toute la scène dans le stade qui est aussi superbe avec l'hélicoptère là, tu sais, qui passe comme ça. C'était pas un drone à l'époque, ça devait être chiant à tourner en plus, mais vraiment très chouette. Puis je repense en fait à pas mal de plans où je pense que avec Clint Eastwood, puisque je pense que les deux y ont réfléchi ensemble, c'est ce qu'on ressent à travers les interviews, que ils ont très bien réussi le fait de rendre l'inspecteur Harry iconique. Oui, dans les plans, souvent peut-être de la contre-plongée, voilà, le rendre très grand, une grande stature, déjà que Eastwood est déjà assez grand de lui-même, donc fin et lancé. Donc c'est vrai que il y a une mise en avant comme ça du personnage droit, toujours toujours comme s'il savait exactement ce qu'il faisait, où il allait. C'est ça. Et jusqu'à l'absurde, oui. Hein. Il y a une scène vers la fin du film où Clint Eastwood va sauter sur un bus. Il le fait lui-même d'ailleurs. Il le fait lui-même. C'est lui qui le fait. C'est une autre époque. Hein. Oui, c'est lui qui le fait. Parce qu'il dit sur le plan, fallait on le voir. Et puis Eastwood il a dit pas de problème, je fais et tout, je saute sur le bus, quoi. Aucun problème. Parce que ce qui est quand même, et là, c'est là où on va jusqu'à l'absurde pour rendre le personnage iconique, c'est qu'en théorie, si tu fais ça, normalement, tu vas un petit peu en douce, tu sais, tu te plantes pour essayer de surprendre le méchant. Non, lui, tu le vois de super loin, il est debout au milieu du pont. T'as rien, t'as personne, t'as un pont. Clint Eastwood au milieu du désert, pratiquement. On est près d'une zone un peu désaffectée, là. Donc, tu peux ultra pas le louper. Ouais. C'est complètement con de faire un truc pareil, mais ça pète la classe. Ouais, oui. Parce qu'on dirait tout le temps que, en fait, même dans les autres scènes, hein, quand il dit au méchant, vas-y, tu tentes ta chance, et on dirait tout le temps que il se met en avant dans le sens de dire, comme si, pour montrer qu'il n'a pas peur, qu'il ne fait pas les choses dans le dos, qu'il se montre, qu'il c'est pas un type à. J'allais dire une belle connerie, c'est pas un type qui tire dans le dos. Mais en fait, si. Aussi. Mais dans le sens où il faut l'avoir fait chier avant quand même, et là bon, il va tirer dans le lot. Mais disons qu'il est là, il a la prestance, il est là, et il dit au méchant, il le toise, quoi, vraiment. Il dit voilà, j'arrive, je viens, je vais te péter la gueule, quoi. Ouais, et puis il y a l'aspect, je suis aussi méchant que toi, finalement, quoi. C'est un peu cette notion de comparaison de quéquette, mais pendant toute la série, hein. C'est celui qui a le plus gros flingue. Oui, bon, c'est souvent Harry. C'est souvent Harry quand même, hein. Et puis il y a le côté moi j'ai tellement pas peur que je fais limite n'importe quoi, hein, mais il y a même un truc, tiens, je vais le dire maintenant, je vais pas me le garder pour le deuxième film, tant pis, on fera plus long sur le premier. En les revoyant, il y a un truc qui m'a frappé, la façon dont Harry se déplace, en particulier donc dans les deux premiers films, j'y ai pensé beaucoup aussi dans la séquence des épreuves dans le deuxième, ça me fait penser à Robocop. Où c'est un peu le côté où c'est le tank invincible qui avance tout droit, qui se planque pas, il s'en fout. Il s'en fout parce qu'il est blessé quand on regarde dans tous les films. Mais c'est clair, il est invincible. Deux fois peut-être, je ne sais plus. Je sais, il se fait passer à tabac dans le premier. Je crois que j'avais noté les endroits où il pouvait se faire toucher, mais c'est vraiment rien du tout. Et même quand une bombe lui explose à la gueule, il a rien. Non, ça va, il s'en sort le mec. Le Robocop. Là, ce qu'en fait le personnage ultra iconique, en fait, jusqu'à la vue, c'est le super héros. Alors, il y a un autre truc aussi qui est apparu avec ce film, c'est les punchlines, quoi. I know what you're thinking. Did he fire 6 shots or only 5? Well, to tell you the truth, in all this excitement, I've kind of lost track myself. But Ian, this is a .44 Magnum, the most powerful handgun in the world, and would blow your head clean off. You've got to ask yourself one question. Do I feel lucky? Well, do you, punk? Ah oui, non, mais ça, c'est resté tout le long. Alors, plus dans certains que d'autres. Certains sont un peu plus fournis que d'autres. Et on a quand même une grande chance encore. Hein, je me rappelle, l'impression de tourner en boucle, mais on a quand même une chance à l'époque d'avoir eu des traductions et une VF quand même qui une VF de dingue. C'est, qui ne trahit absolument pas l'idée originale, quoi. Il n'y a pas de gants. Je vais te faire un aveu. J'ai un coffret avec tous les Blu-ray, etc. Alors, j'ai tout regardé. Et puis j'ai fait un petit peu mon puriste. Alors j'ai démarré en VO et je crois qu'au bout d'une demi-heure, je suis repassé. Je peux même pas. Je les ai regardés. Même celui qui était sur Arte, enfin, on pouvait voir en VO. J'ai mis un peu de VO pour voir. Mais non. Enfin, pour moi, de toute façon, tout ce qui est pré 90, je peux pas le regarder en VO. Enfin, je sais pas. Même si des fois, on sent que bon, il y a que des choses. Il y a des voix qui sont des fois plus mal faites. Surtout, plus on va aller vers la fin de la série, plus tu sens qu'il y a des choses qui changent comme ça. Voilà, il y a une qualité qui change. Ouais, tout à fait. Mais je sais pas. C'est quelque chose. C'est tellement iconique. Il y a tellement je pense qu'on perdrait on perdrait quelque chose. C'est en ça. Fait, c'est pas tellement, on va dire, la voix, le doubleur français. C'est vraiment la signification des phrases, des choses qu'on n'entend pas habituellement, quoi, parce que tu dis, mais... Et puis j'irais même un peu plus loin, qu'on n'entend plus. Non plus, oui. On est en 71, et en plus, le concept du personnage, c'est qu'il s'en fout. Oui. Ce qui fait qu'il n'y a absolument aucun filet, aucun tabou. Monsieur, ne recommencez pas une affaire du genre de celle du quartier de Fillmore il y a un an. Compris? C'est contraire à ma politique. Lorsque je vois un adulte du sexe masculin courir derrière une femelle avec l'intention évidente de la violer, je le descends avant, c'est ma politique. L'intention? Elle restait à établir. Quand un gars à poil court derrière une fille, la queue en l'air et un couteau de boucher à la main, c'est drôle. J'ai peine à croire qu'il est en train de quêter pour la Croix-Rouge. Et il se trouve que ça fonctionne plutôt bien, parce que on sait qu'il peut dire les pires saloperies, qu'au fond, il a une espèce de droiture, etc. Mais ça y va à coup de déclarations raciales, et sexistes... Les pires des métèques. Mais les pires des métèques, ouais. même pour déconner, je pense que c'est plus possible aujourd'hui. Prendre un flic qui déconne avec ça. C'est compliqué. C'est juste... Mais quelque part, alors ça... Et les femmes, et... Oh là là, ça... Ouais, ça, on en reviendra sur les femmes dans un autre épisode, mais du coup, c'est vrai que quand on regarde aujourd'hui un film de Dirty Harry, on est tellement plus habitué à ça que quelque part, il y a quelque chose de limite un peu choquant. C'est pour ça que je disais dès le résumé, hein, le tueur qui déclare qu'il va buter un prêtre catholique ou un nègre. Mais d'où ça sort? Non, c'est. Mais en même temps, je trouve que c'est bien. C'est pour ça que. Je pense qu'il ne faut pas retoucher au passé. Moi, je suis de ceux qui disent que voilà, ce qui a été dit, fait, comment ça a été fait à une époque, c'est comme ça et c'est tout. Je suis pas pour revenir sur des choses parce que ça pourrait choquer. C'est justement ça qui sert à se rendre compte à quel point c'était avant. Voilà comment la société a évolué, comment des choses ont évolué. Un autre parallèle, c'est les romans de James Bond. Quand on lit les romans maintenant, bon, y a toujours une préface qui dit, voilà, on prévient le lecteur, on dit, ça a été écrit à une autre époque, les mœurs c'est différente, la société est différente. On a fait le choix de ne rien changer et de laisser, voilà, tel quel. Parce que c'est vrai que quand on lit les romans de Ian Fleming, ça traduit totalement la pensée de la société des années 50-60, pour tout, je veux dire, pour l'inclusion des minorités, pour les femmes, pour plein de choses. Et je trouve que c'est utile parce que voilà, on sait comme ça d'où on vient et on peut mieux savoir où on va. Tandis que si on commence à tout polisser, on sait plus vers quoi on va, on sait plus comment on a évolué et c'est quand même assez moche quoi. En tout cas, ça fonctionnerait pas sur un principe comme Dirty Harry. Alors du coup, comment un film comme ça a été reçu au moment de sa sortie? Ah bah ça a été un peu compliqué. Alors majoritairement, c'était positif quand même. Hein. Ça reste quand même un film assez coup de poing, on va dire, qui est un peu polarisé, mais bon, c'est surtout certaines franges du public. Bon, il y a des femmes, évidemment, la manière dont sont traitées un peu certaines questions dedans, c'était pas terrible. Je sais qu'il y a eu quelques manifestations et quelques trucs, mais globalement, c'était quand même assez positif, plus que d'autres par la suite, parce que c'est vrai que bon, après, on était des fois plus loin certaines choses, mais globalement, c'était quand même une... Voilà, ça a choqué, mais un peu dans le bon sens, on va dire, et ça, par rapport à certains autres, ça va, je veux dire, c'était pas non plus un scandale, comme certains films quand ils sortent, mais il a quand même gagné du galon avec les années quand même, hein, je veux dire. Ouais, c'est ça qui s'est passé aussi, je pense, c'est qu'au fil du temps, on a trouvé aussi des qualités dans ce film qu'on n'avait pas forcément vu à sa sortie. Vous aimez bien dire en général que je suis vieux, etc., mais faut pas déconner, je l'ai connu en salle. Disons qu'il a gagné le statut iconique, quoi. C'est surtout ça. Disons qu'à sa sortie, c'était un film un film intéressant à voir, un film, voilà, du suspense, de l'action, etc., intéressant, voilà, sur le coup à voir. Mais avec le temps, il a tellement représenté son époque, de toute façon, c'est pas un hasard, puisque en 2012, il a été intégré à la Bibliothèque du Congrès américain, comme étant justement une œuvre significative représentant la culture, tout de cette époque, voilà, qui a marqué de l'époque, et qui représente, voilà, ce qu'était cette époque. Donc, ça prouve bien qu'il était vraiment juste dans ses propos, quoi. Bah, du coup, je te propose qu'on regarde un petit peu quelle est vraiment la signification de ce film, parce que comme tu l'as dit, ça a généré des réactions, des mouvements, des choses comme ça, mais c'est pas anodin, c'est parce que finalement, d'autant plus au moment de sa sortie, Dirty Harry est un film qui est pas si anodin. Alors maintenant que tu nous as dit qu'il y avait John Milius qui était à la plume, on comprend aussi, mais il y a un sens dans ce qui a été fait, il y a comment dire, peut-être en premier lieu de ce que je vois, c'est peut-être une réaction envers une époque où il y avait une impression aux États-Unis d'impunité des criminels. Il y avait des textes de loi qui sont sortis à ces moments-là qui protégeaient beaucoup plus les criminels et qui donnaient les accusés, faut utiliser les bons termes. Et alors qu'à l'inverse, les victimes étaient un peu bonnes pour attendre et pour devoir prouver des culpabilités, ce qui était un changement important. Alors ce qui n'a pas changé aujourd'hui, on est toujours là-dedans. Et ce qu'on peut comprendre à travers ce film, c'est peut-être une réaction par rapport à ça et l'illustration, j'ai envie de dire, de l'envie de vengeance de la population, des gens qui ont une sensation d'injustice. Finalement, c'est un peu un prémisse du film de Vigilante, Un justicier dans la ville, ça arrivera 3 ans plus tard. Peut-être qu'un jour on fera une émission sur un justicier. À mon avis, ouais, sur notre ami Charles, il y a beaucoup de trucs à dire, surtout que le pot aussi n'était pas plus très porté sur la chose, mais alors là, il y en a certains, ça allait très loin. Donc c'est là où. C'était encore autre chose. Au niveau qualitatif, c'est un autre débat. Ce qui fait que ça fait de Dirty Harry finalement aussi un peu un exutoire. C'est un peu comme quand on joue à un jeu vidéo ultra violent, ça te fait du bien d'avoir buté des nazis ou des zombies ou ce que tu veux. J'ai un peu cette sensation avec Dirty Harry, je me demande quand même si ça n'a pas un rapport avec ça. Tu dis au moins que là, la justice a été faite, quoi. C'est ça, exactement. C'est que ce sera une. On va le développer avec le personnage de Dirty Harry, mais c'est vrai que c'est. Entre la notion de justice et de loi, c'est deux choses qui sont très séparées. Dans le film de façon très claire. Et au-delà de ça, dans Dirty Harry, je crois qu'il y a pas mal de sujets qui se permettent vraiment quand même beaucoup de choses qui étaient peut-être pas évidentes à digérer en une seule fois au moment de la sortie. Ça parle quand même aussi du traitement des anciens militaires américains. Alors c'est un classique, CF Rambo un peu plus tard. D'ailleurs, l'acteur qui devait jouer Scorpio était, au départ, ça devait être un ancien militaire. Un de ceux qui a d'ailleurs été le plus décoré pendant la Seconde Guerre mondiale et s'était reconverti dans le cinéma, tout ça, qui faisait des films, etc. Mais qui est décédé d'un accident d'avion en 71 d'ailleurs, je crois. Et donc tu vois, il y avait une idée aussi comme ça. Donc c'était aussi un ancien militaire très décoré. Vraiment, c'était d'ailleurs sa tombe est une des tombes de militaires qui est plus visitée encore maintenant. Et c'était vraiment une icône, un type qui a fait des trucs assez dingues pendant la Seconde Guerre mondiale et qui a eu du mal ensuite après et qui s'est retrouvé avec des dettes. Mais c'est un type très droit, c'est le genre de type qui voulait pas faire de pub malgré ses problèmes d'argent pour des fabricants de tabac ou d'alcool parce qu'il s'est dit je veux pas donner le mauvais exemple. Donc pour dire vraiment un type droit dans ses bottes, mais qui a eu du mal. Et c'est vrai que ça aurait été pas mal d'avoir quelqu'un comme ça d'iconique dans ce genre de rôle. Je pense que ça aurait donné une portée encore supplémentaire. Ça aurait pu donner encore plus d'impact, c'est sûr. Alors, j'avais noté aussi deux petits points sur le sens du film, et notamment sur sa construction du premier film. Et c'est ce qui fait, je pense, qu'on est pas mal marqué par ça et que Harry est un personnage qui est tout de suite devenu important. C'est qu'on a un film qui est complètement construit pour que on prenne fait et clause pour le héros, Harry, naturellement, mais même pour qu'on l'aime. Quoi. Et c'est quand même un personnage qui, il y a une espèce de, pendant le film, on cache pas trop le fait que Harry, ça lui déplaît pas de buter. Quoi. Ah non, il hésite pas. Hein. C'est vraiment pour lui un de plus, un de moins. C'est ça. Change rien. Et ça veut. Et en tant que spectateur, c'est ça peut être assez inconfortable. De finalement se retrouver à apprécier un héros hyper radical dans son comportement, quand bien même dans notre vie de tous les jours, nous on serait pas forcément comme ça, quoi. Mais quand tu regardes le film. Stop! Go on out and get some air, fatso. Please, no more! I'm hurt! Can't you see? I'm hurt! You shot me! Please, don't! Let me have a doctor! Let me have a doctor! Please, give me a doctor! Don't kill me! The girl, where is she? You tried to kill me! If I tried that, your head would be splattered all over this field. Now, where's the girl? I want my own. I said, where's the girl? I have the right for a lion. Where's the girl? I have the right for a lion. Dungeon, please. I have rights for a lion. Bah, tu prends Fait et Cause pour un gars qui prend un certain plaisir à buter des méchants, quoi. Mais c'est des méchants, justement. Et ils sont, je veux dire, ils sont montrés aussi de manière tellement radicale, on va dire, tout le temps violent. Je veux dire, quand il va aller flinguer des mecs qui sont en train de faire un casse, c'est pas des gars qu'ils font de manière douce, quoi. À chaque fois, ils sont vraiment mis en scène de manière très violente. Ils sont jusqu'au boutiste. Ils flinguent les premiers. Enfin bref, donc c'est aussi de cette manière-là que on te dit ah bah voilà, lui au moins il est arrivé, il a réglé le truc. Et puis même s'il les a tous flingués, alors que les mecs étaient en train de courir, en train de s'enfuir, en train de ci de ça machin, tu te poses même plus forcément la question, quoi. Encore que maintenant, en ayant vu les films de maintenant, c'est vrai que voir un flic qui flingue un mec dans le dos, c'est quand même assez rare, quoi. Un type sans arme qui s'enfuit, c'est ça. Tu dis bon, c'est quand même pas mal. Ouais. Mais et puis même qui fume, tu vois, dans cette fameuse scène où il bute les voyous pendant le braquage, là, c'est quand même assez génial. T'as des gens dans la rue et tout. Oh, rien à foutre. Non, c'est. Voilà, il est un peu blessé à la jambe, il s'est pris un petit peu de chevrotine. Ouais. Bon, c'est pas très grave. mais voilà, les gens qui crient, t'as des femmes qui courent partout, t'as les trucs. Mais lui, impassible. Hein. On voit là, les autres se pointent. En gros, tout ce qu'ils ont récupéré, c'est des cadavres, quoi. C'est extraordinaire. C'est génial. Ouais, il est quand même bon, ça va loin, mais ça va pas assez loin pour devenir risible. Parce que c'est vrai que des films pourraient aller beaucoup trop loin. C'est comme ça que certains films deviennent des nanars, quoi. Je veux dire, c'est complètement surréaliste. Mais là, ça reste. Je sais pas. Il y a un truc qui fait que c'est. Ça s'arrête juste. Oui, à voilà, temps. C'est ça, on vraiment. On est vraiment pas hyper loin, hein. Quand on a les scènes avec toutes les répliques emblématiques, tu sais combien j'ai de balles dans mon flingue, j'avoue. Je veux dire, c'est surréaliste comme dialogue. Mais ça passe. Et puis c'est bien mis en scène. Et du coup, ça en devient. Ouais. Ça devient, tu prends du plaisir justement dans le truc en disant putain, il a la glace quand même et tout ça. Comme certains westerns, hein, qui allaient aussi très loin dans la mise en scène de la violence, mais qui faisaient ça avec classe et qui aussi des fois arrivaient à s'arrêter juste à temps pour que ça ne devienne pas grand guignolesque. Et là c'est pareil, quoi. Et c'est ça aussi la qualité des films. Alors certains le réussissent plus que d'autres dans la série, mais c'est quand même une grosse qualité, qui est au film, là, il faut le reconnaître, qu'ils savent s'arrêter où il faut, quoi. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la scène de fin du premier film? Ah oui, la fameuse scène de fin où après avoir tué le méchant, bon, désolé, je vais spoiler parce qu'on se doute bien que avec Harry le méchant on finit s'en par un flinguer, peu. Évidemment. Voilà. Dans une scène, c'est bon, il est pas voilà. Une scène totalement iconique. Oh génial, hyper sèche. Ah, justement, oui, c'est vraiment, c'est ce qui fait aussi le. Ceux qui ont joué à Red Dead Redemption, ça leur dira peut-être quelque chose. Oui, c'est vrai, exactement. Qui a aussi une fin extraordinaire d'ailleurs. Une double fin, on va dire. Mais oui, donc il y a ce fameux lancer de badge dans la flotte. Voilà. Et Eastwood, il aimait pas. Il aimait pas ça parce que pour lui, ça donnait l'impression que le personnage abandonné qui quittait la police et il trouvait pas que c'était une bonne fin. Pour ça. Ouais. Et Don Siegel, lui, il trouvait ça bien parce qu'il disait, c'est pas vraiment qu'il quitte, c'est vraiment qu'il montre qu'il en a marre, il montre à quel point la police est devenue inutile et que son badge au final ne sert plus à rien. Et donc les deux étaient pas d'accord et finalement Eastwood a convaincu Siegel de laisser tomber et puis que à la fin il devait juste partir et voilà. Sauf que, en fait, au final, en tournant la scène, vraiment, en tournant la séquence, Eastwood, au final, a changé d'avis et il jette le badge. Et voilà, il s'en va et ouais. ils l'ont prise comme ça. Et je pense que c'est vrai que ça aurait pas été le même. Alors même si c'est vrai que quand tu dis il y a des suites, bon, si tu dis bon voilà, finalement il est revenu, il a changé d'avis, bon. Mais c'est vrai que si tu prends le film à part entière, je trouve que il y aurait quelque chose en moins sans cette fameuse scène et voilà ce geste, hein, vraiment comme Siegel le décrit, que c'est genre c'est devenu inutile, ça sert plus à rien au final. C'est dans la logique oui, du personnage en même temps. C'est totalement. Il s'en prend au symbole et du coup on retombe avec cette fin que j'adore dans une logique très western hein, et je reviendrai dessus dans les autres films. Où on a finalement le héros qui s'est pointé, il a fait le job, et générique de fin, on voit le héros qui s'éloigne, comme dans plein de westerns. Où à la fin du film, le cow-boy s'éloigne, il a terminé, il rentre chez lui, où il va vers d'autres, vers une autre mission, quoi. Il passe à autre chose pour lui, je veux dire, pour lui c'était un mardi, tu vois. Oui, voilà, non, c'est vraiment, c'est lettre à la poste, quoi. Voilà, c'est fini, passons à autre chose, et puis au suivant, quoi, on va dire. Hein, c'est vraiment ça. Alors, du coup, on va peut-être glisser sur une description du personnage de Dirty Harry. On en a déjà dit pas mal, donc on devrait aller relativement vite là-dessus. Hein. Comme on l'a dit, hein, la première caractéristique, hein, c'est que c'est un flic hyper borderline. Mmh. On rappelle hein, la tagline, hein, c'est l'histoire d'un flic et d'un tueur psychopathe. Celui qui a le badge, c'est Harry. Voilà. C'est vrai que vu tous les mecs qui flinguent, on peut se poser la question. Hein. C'est ça. Et ça fait finalement que Dirty Harry, c'est un peu le mec qui fait tout ce que tout le monde aimerait faire, mais sans jamais oser le faire. Quoi. Totalement. Ouais. C'est celui qui salit les mains à notre place. Ah mais c'est sûr lui, en plus comme il n'hésite pas, il prend un peu de plaisir, on est bien content de le laisser faire. Et du coup, dans son comportement, on a cette fameuse différence dont on a parlé entre la justice qui s'appuie sur le bon sens, en gros, qui est méchant, qui est gentil, et la loi qui, elle, s'appuie sur des... Enfin, qui n'est pas du tout présentée comme quelque chose de positif hein, dans les films. Mmh. La loi, c'est toujours un empêcheur de tourner en rond. Un empêcheur, c'est oui, ce qui empêche le bon sens. Non, totalement. Exactement, un empêcheur de flinguer librement. Quoi. Parce que c'est vrai que... C'est l'anti-Far West, la loi. Comme il le dit hein, dans une de ses répliques avec... l'homme qui court à poil derrière une femme avec les pitalaires, un couteau de bouche à la main. Voilà, c'est pour Harry, il réfléchit pas. Je veux dire, il voit un truc, il agit, c'est A plus c'est B, ça. Quoi. C'est hop, c'est terminé. Alors que la loi, il y a des amendements, il y a des petites lignes, il y a des zooms, hein, il y a de la politique qui s'y ajoute, il y a des trucs, et lui, ça l'emmerde profondément. Et c'est vrai que nous, je veux dire, même dans la vie de tous les jours, hein, on le voit que des fois, il y en a qui en profitent. Il y en a qui sont là exprès pour jouer sur les mots, jouer sur ouais. Et donc ça nous-mêmes, je veux dire en tant que population, ça va nous des fois nous saouler, dire mais c'est pas possible les trucs pareils. Et lui, il arrive là tel le Messie en disant A plus B égale C, paf paf boum, toi tu meurs, toi non, toi oui, et puis voilà c'est fini quoi. Et c'est assez incroyable. C'est vrai que quand on y réfléchit, c'est assez incroyable que je veux dire, ça soit aussi bien passé et qu'il soit devenu iconique alors que c'est quand même juste c'est le bouddhiste, quoi. Exactement. Alors que c'est quand même un peu bourrin, même. Faut le reconnaître. Mais je pense que ça nous soulage tellement d'un c'est un des maux de notre société moderne, hein, depuis des dizaines d'années. Peu importe le pays, hein, là c'est les États-Unis, mais c'est vrai que d'autres pays, c'est aussi dans des proportions moindres, évidemment, mais c'est aussi le même genre de problème. Et je pense que ça soulage tellement un certain côté, une certaine frustration, que je pense que c'est pour ça. Que le public a mis de côté le côté trop jusqu'au boutiste et a embrassé complètement le personnage. Quoi. C'était très malin. Quoi. Bah, je te propose qu'on passe au deuxième film. Qui est arrivé assez vite hein, après le premier, donc c'est Magnum Force, qui est sorti en 1973. Eastwood, le célèbre inspecteur Harry, revient en pleine forme dans Magnum Force. Jimmy Riley, puissant racketeur. Lou Gussman, le roi de la drogue. Gigi Wilson, le souteneur bien connu. Il y a des tueurs déchaînés habillés en policiers qui utilisent toujours un magnum. Vous et votre second revenez à la criminelle. Un tantinet dramatique, hein, Briggs. Ce n'est guère votre genre. C'est intentionnel, Callahan. Il se peut que cette affaire soit plus importante qu'on ne croyait. Vol de voiture, trafic de drogue, prostitution. Ce qu'on fait de mieux dans le genre. Vous travaillerez avec le lieutenant Briggs sur cette affaire-là. Seulement, je vous préviens que si vous faites encore une de vos conneries, je vous sac sans hésiter. Propos Briggs, dites-moi, qu'avez-vous trouvé jusqu'à présent? Dans mon service, personne ne reste à se les rouler. On l'appelle ce salopard d'Harry et il aime toujours agir à son idée. Quand il y a un coup dur, il n'est jamais très loin. Reste-le ! T'as entendu ce que je t'ai dit ? En 24 heures, il s'oppose à un détournement d'avion. Il stoppe un hold-up et il se montre galant voisin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le flic qui habite au-dessus ? Tout juste. Je peux vous poser une question ? Essayez toujours. Comment s'y prend-on pour faire l'amour avec vous ? Essayez de sonner à ma porte. Les tueurs habillés en flics veulent éliminer Harry parce qu'il en sait trop. Chaque fois qu'il y a du vilain, on fait appel à ce salaud d'Harry parce qu'on sait qu'il fera ce qu'il faut. Voilà une journée de travail de l'inspecteur Harry Callahan. Alors pour le coup, j'ai pas récupéré de budget, quoi. Je vois dessus, mais c'est un film qui a bien marché aussi, hein, qui s'est fait 39 millions de dollars aux US. Alors 39 millions en 73, c'est vraiment pas mal. Hein. Ouais, un peu plus que le premier. Ils ont tous un peu plus marché les uns que les autres au début. Et non, c'est quand même plutôt pas mal. Hein. C'est vrai que bon, les budgets de l'époque, c'est vrai, comparé à maintenant, c'est compliqué. Hein. En plus, bon, avec l'inflation, tout ça, mais en plus comparé à maintenant, ce qu'on a besoin pour faire un film de nos jours avec les essais, les trucs. Ça n'a rien à voir. En fait. Voilà, c'est compliqué de comparer, hein, mais non, c'est quand même pas mal comme genre de recette. Hein. Mais on est encore sur un film qui a plutôt bien marché. Alors le petit résumé du film, hein, donc divers criminels alors qu'ils arrivent à échapper à la justice se font abattre sommairement par un motard de police, on le voit dès le départ. Et dans le même temps, Harry continue d'être mis sous surveillance à cause de ses méthodes qui ne plaisent pas beaucoup à sa hiérarchie et surtout à la mairie. Monsieur le maire n'est pas sympathique du tout. Et au fur et à mesure de l'histoire, arrive à découvrir que c'est au sein même de la police qu'il existe une force spéciale qui est totalement intransigeante, qui est à la fois juge et bourreau. Et on peut se poser la question, a priori, est-ce qu'il n'y aurait pas de quoi séduire Dirty Harry ? Et d'ailleurs, ils vont essayer quand même plus ou moins de le recruter dans leur petite bande. Alors, je le dis tout net, pour moi, ce film, c'est peut-être... Allez, il y en a deux, un de mes deux meilleurs films au niveau de l'histoire, du scénario. Mm-hmm. Je trouve que le scénario est vraiment béton. Ouais. Je trouve que l'idée est géniale, je trouve que les possibilités sont superbes. Ça permet encore une fois peut-être d'aller encore plus loin qu'avant. Mais malheureusement, je vais pas cacher que je suis un petit peu déçu par ce film à cause d'une réalisation qui est très très plan-plan. Mm-hmm. On s'est vraiment réalisé comme un épisode de alors de Derrick, exagérons pas. je vais pas jusqu'à Derrick, je vais aller jusqu'à Navarro. Voilà, c'est vraiment pas glorieux, et ce qui fait que les scènes d'action sont super molles, y compris le climax de fin, quoi, ce qui est quand même un petit peu dommage. Du coup, je dois dire que c'est un peu décevant sur l'ensemble, malgré un casting bien sympa, puisque Clint est toujours aussi bon, et qu'en plus, il y a David Soul dans le film, ouais. C'est quand même Hutch, hein, et Hutch, c'est la classe, hein, faut pas se leurrer, il était peut-être, je sais pas s'il était déjà alcoolique à l'époque. c'était encore avant Starkey Hutch, c'était encore avant, mais n'empêche qu'il assurait vachement bien, je trouve qu'il est très très bon dans le film. Alors voilà, donc j'ai une réaction un petit peu ambivalente sur là-dessus. Et si j'aime tant le scénario, c'est peut-être pas un hasard parce que c'est bien Milius qui, à nouveau, est derrière le film, n'est-ce pas ? Ouais, alors on va dire oui et non. Disons que le scénario, il date du premier film, en fait, puisque à l'époque de toutes les réécritures qu'il y a eu avec tous les acteurs qui cherchaient, etc., pour faire le premier, à un moment, il y a eu un petit mec qui s'appelait Terrence Malick. Qui à l'époque écrivait du scénario, qui a eu une idée à un moment justement de cette équipe de vigilantes dans qui font partie de la police et qui flinguent tous les criminels qui s'en sortent, qui sortent blanchis, on va dire, par la justice. Votre permis de conduire, s'il vous plaît. Vous savez qui est assis à l'arrière. Je veux quand même voir votre permis. Mais où est-ce que je l'ai foiré? Vous savez pourquoi je vous ai stoppé? Oui, bien sûr, nous le savons. Vous faites une blague, mon garçon. Vous avez passé la ligne jaune. Nous, on n'a pas... Mais bien sûr, bien sûr. Si vous nous le dites, c'est que c'est vrai. Tiens, justement, le voilà. C'est ça, pauvre con. Regarde. Regarde si elle est volée. Je veux qu'on le fasse limoger, c'est imbécile. Oh, on va s'intéresser à lui. Vous autres, tâchez de rester tranquille, hein? La voiture est à vous. À lui. Je voudrais voir la carte grise. Ça va. Rendez-moi mon permis. Il a eu cette idée-là et ça plaisait pas à Don Siegel à l'époque du premier, donc ça a été mis de côté. Eastwood, lui, s'en est quand même souvenu arrivé au deuxième, parce que je pense que Eastwood a quand même été un peu marqué par les critiques qui disaient que voilà, Harry était un peu trop jusqu'au boutiste, et je pense qu'il voulait aussi un peu montrer que il y avait pire que Callahan. Pouvait y avoir pire. Il peut toujours y avoir pire, hein, mais voilà, il voulait mettre en scène quelque chose d'un peu pire pour adoucir un peu le personnage de Callahan et montrer qu'au final... Pour lui donner l'opportunité de refuser d'aller trop loin. Ouais, voilà. Et de dire que s'il avait la possibilité justement de franchir une ligne, il le ferait pas et que le type a quand même, voilà, une limite. Et donc ils ont ressorti cette idée. Qui avait été soumis à l'époque par Malick, et là Milius, bon, là est vraiment crédité au film, il a réécrit aussi pas mal de choses, tout le côté pampan, scène d'entraînement de tir, voilà, tous ces trucs là c'est totalement lui, parce que c'est des trucs qu'il adore, hein, c'est vraiment c'est vraiment son business, il est vraiment dans son élément, et c'est aussi avec lui que le titre est passé de Vigilante. Au départ, c'était censé être le titre, ou peut-être le titre de travail, ou un titre provisoire, ou possible, à Magnum Force, justement, pour rappeler l'arme de Harry, quoi. Mais bon. Bah, quand même, le Magnum, quoi, c'est quand même le flingue le plus puissant du monde. Oui, qui dit, oui. Après, c'est pas forcément le cas, mais en tout cas, oui, mais en tout cas, oui, une époque, en tout cas, ça l'était. Mais c'est vrai que c'est. Il y a Harry, il y a ses vestes en tweed ou je sais plus quoi. Ses vestes aussi d'ailleurs, hein, c'est fait exprès. Il a un look vieux, Harry, mais ça a été fait exprès, ça a été conçu pour lui donner un look un peu rétro, même pour l'époque, pour lui montrer un peu le côté un peu voilà conservateur, un peu voilà qui, un peu ours aussi, qui n'évolue pas trop la mode, tout ça, ce genre de truc, il en a rien à foutre. Et c'est vrai que voilà, cette arme aussi est iconique, hein, comme Harry, ses costumes, son gros flingue, qui n'est absolument pas pratique. En vrai, n'importe quel policier vous dira, c'est une idée de merde. Ouais. Parce qu'il est trop grand. À part pour abattre des éléphants, peut-être. Oui, il est trop grand. S'il y a des gangs d'éléphants, ça peut le faire. C'est trop grand, c'est trop lourd à sortir. Je veux dire, tu tires sur quelqu'un, tu vas le traverser et tirer sur trois autres mecs derrière qui n'ont rien demandé. Enfin bref, c'est la pire idée du monde, hein, cette arme. Mais voilà, c'est devenu iconique. Ça fait partie de ce qui a fait le personnage aussi, quoi. Et c'est une, justement, c'est aussi grâce à Milius qui a ce genre de choses, quoi. Malheureusement, on va dire, Milius, il n'a pas pu rester tout le temps, toute la période de production du film, parce qu'il devait aller, sur un autre film, c'était Dillinger qui devait aller faire. Et Michael Cimino a repris les... Alors là aussi, on a du nom, hein, Michael Cimino, Deer Hunter, je vous conseille aussi ce genre de film, un des meilleurs films sur la guerre du Vietnam, qui n'est pas que sur la guerre du Vietnam d'ailleurs, mais vraiment, c'est des choses à voir. C'est là qu'on se rend compte qu'il y a quand même des gros, gros noms. Il y a eu du monde qui était avant d'être très connu, mais on sent que voilà, si ça a marché à ce point, c'est pas que du hasard, c'est qu'il y avait quand même des noms derrière, il y avait quand même du talent concentré derrière qui a touché un peu à tout au final dans ces films là quoi. Et Cimino, il a un peu retouché quelques scènes que Milius regrettait. D'ailleurs, il a dit qu'il regrettait un peu la fin du film. Il avait la poursuite en voiture et sur le porte-avions, c'était pas de lui. Et il regrettait un peu ce genre de scène, tout ça. Il disait que bon, c'était pas extraordinaire. Il y a pas que ça qu'il regrette. Hein. D'ailleurs, Milius, regrette un peu la réalité. Il est de même avec toi hein, que bon, c'était pas. C'est son moins préféré. C'est un peu plat tout ça. Ouais, quoi. C'est son moins préféré. Il a dit voilà, il est un peu déçu quand même du film. Il y a des choses qui ont un peu changé. Ils ont un peu adouci le personnage, un peu dedans. Et c'est pas le pire, on va dire, où ils l'ont adouci. Mais il commençait déjà un petit peu à dire bon, ouais, peut-être qu'on a été un peu loin. On va essayer d'adoucir certaines choses et en empirant d'autres. Mais you heroes have killed a dozen people this week. What are you gonna do next week? Kill a dozen more. Is that what you guys are all about, being heroes? All our heroes are dead. We're the first generation that's learned to fight. We're simply ridding society of killers that would be caught and sentenced anyway if our courts worked properly. We began with the criminals that the people know, so that our actions would be understood. It's not just a question of whether or not to use violence. There simply is no other way, Inspector. You, of all people, should understand that. Either you're for us or you're against us. I'm afraid you've misjudged me. Bah ça sent quand même carrément hein. Déjà t'as un personnage féminin hein, qui apparaît. Ah, que Milius a dit que lui il aurait jamais fait ça. Il a dit concrètement j'aurais jamais mis de personnage féminin parce qu'il dit qu'Alan ne fait pas d'amourette. Au pire il dit il va voir les putes quoi. Mais il l'a dit textuellement. Et bah, c'est ça. Mais il s'avère que moi je suis assez d'accord parce que je trouve que dans le film ça ne marche pas. Tu sens que ça c'est un peu. Puis c'est le truc rajouté, ouais. Tu sais, au forceps. C'est quand même une voisine qui arrive, qui fait bonjour. Alors c'est vous finalement, Harry. Je me demande comment on peut faire pour qu'on baise un peu ensemble. Tu sais, mais c'est le truc qui sort de l'espace, quoi. T'as l'impression de lire un truc dans Union, tu sais, dans je sais pas où. Non, c'est un peu étrange, quoi. Mais ça sort de nulle part, ça a aucun sens, quoi. Et en même temps, c'est pas du tout assumé parce que on rajoute ça pour donner un aspect un petit peu plus normal à la vie de Harry, du genre, enfin normal du genre, bah oui, lui aussi il fait du sexe de temps en temps. C'est aussi parce que il y a une certaine pression extérieure, hein, Eastwood qui a voulu rajouter ce personnage-là parce qu'il recevait beaucoup de lettres de femmes qui leur demandaient de rajouter une femme qui draguerait Harry et pas l'inverse en fait. Elles voulaient ouais, pas. Elles ont dû. Voilà, elles avaient peut-être un fantasme, je ne sais pas. Ouais. Mais en même temps, eux, ça devait les arranger de dire bon, on va rajouter une femme, on va faire un truc. Mais c'est vrai que quand on voit les origines du personnage, qu'on peut que être d'accord avec ce que Milius dit en disant que voilà, ça marche pas, en plus, c'est pas terrible. C'est pas assumé, non. Parce que d'un côté t'as ça, et d'un autre côté tu vois l'appartement de Clint Eastwood qui est pas du tout l'appartement d'un mec qui a une vie normale. Il y a rien, c'est une chambre d'hôtel le truc, quoi. c'est terrible. C'est glauque. On sent que le type, en fait, c'est un dortoir, quoi. Il vient pioncer, c'est et ça. C'est son boulot, c'est le reste du temps, quoi. C'est pas ça, il devrait consulter hein, quand même. Alors ça nous fait, tu l'as souligné en fait, il y a ce personnage féminin, et puis il y a peut-être cette pression qui fait qu'on montre Harry sous un jour un peu différent, sans trop le changer quand même. Alors c'est là où, c'est pour ça que j'aime beaucoup la façon dont est écrit ce film, malgré tout, parce que je trouve que cet équilibre fonctionne plutôt bien. C'est-à-dire qu'il y avait un vrai risque à opposer Dirty Harry à d'autres personnages qui sont eux aussi des psychopathes, finalement. Et je trouve que le film réussit bien à donner des limites à Harry, mais sans en faire une tafiole, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire ? C'était années 70, là. Bah exactement, on fait un podcast sur Dirty Harry, donc je vais pas prendre trop de précautions. Je crois que j'ai mis des guillemets, quand même. J'ai un petit peu fait gaffe. Et en plus, il y a un certain équilibre, parce que finalement, dans le premier film, on va dire qu'on a l'ennemi, c'est un meurtrier de gauche. Il a un symbole peace sur sa ceinture, il est un peu SDF, etc. Alors, je sais que je prends des raccourcis un peu trop tôt, mais dans l'idée, c'est quand même un peu ça. Et dans ce deuxième film, il y a une alternance, Comme quoi, tu vois, c'est comme en voilà. Politique. Là, le méchant, c'est un méchant de droite. Hein, ah oui, là, là, là, ils sont, c'est, ils sont à droite toutes. Hein. Là, c'est à droite toutes, c'est l'ultra-ordre, c'est pas de pitié, pas d'explication, rien du tout. Et je pense que c'est volontaire aussi, pour peut-être dépolitiser le Harry, qui, on pourrait dire, il est ultra-droite, bah, finalement pas tant que ça, puisque avec ce deuxième fil, il montre qu'il en veut auprès de gens qui tuent. Oui, bah oui. Et que lui-même veut les flinguer. Et qui sont bien plus à droite, on va dire, que lui, et qui au final, ils s'en foutent. C'est ça. Venir pour lui, ça fait pas de, ça ne change absolument rien. C'est que ils vont trop loin, ils les flinguent et point barre. Quoi. Mmh. C'est vraiment. Pour lui, ça change vraiment absolument rien. Ça me permet de donc du coup d'avancer sur la question liée à ce film finalement. La polémique qui peut entourer Dirty Harry, parce que sur ce film, il y en a eu, hein, ça a quand même bougé. Est-ce que Dirty Harry est un film, ou même avec ses deux premiers, une série fasciste? C'est ce qui a été dit. Hein. Il y a eu des articles de presse, il y a eu des journalistes, il y a eu des critiques qui ont taxé le film de film fasciste. Est-ce que c'est un film politique? Est-ce qu'il y a une orientation politique sur l'ensemble de la série? Voilà. Moi, je trouve que la réponse, elle est pas facile. Non, parce que de toute façon, après, tu peux trouver de la politique où tu veux. Après, hein, disons que voilà, si tu veux trouver quelque chose, il y a toujours moyen. Mais comme tu dis, c'est vrai, je pense qu'ils ont essayé quand même. Et de toute façon, ça marche mieux. Je veux dire, ils auraient clairement dit oui, c'est un truc politisé, c'est un homme de droite face à tous ces bobos hippies, machin. Tu touches forcément moins de monde. Après, je veux dire, faut être réaliste quand même. Le but, quand même, c'est pour eux, c'est que le film se vende, que ça fasse de l'argent. Donc, il faut s'adresser au plus de monde possible. Donc, il faut essayer de jouer un peu sur les deux tableaux. Faut contenter ceux qui veulent justement dire ah, la justice, elle fait pas son boulot. Et puis ceux qui disent qu'en même temps, faut bien des lois, sinon il y a des tarés comme Harry, justement. Sinon, c'est l'anarchie, quoi. Exactement. Donc, voilà, il faut un peu jouer sur les deux tableaux. Je pense franchement, en regardant même de nos jours, bon, il y a toujours une double lecture, mais je pense quand même qu'ils ont réussi à instaurer une certaine balance. C'est comme ce qu'on dit tout à l'heure, ils ont réussi à s'arrêter juste où il faut. C'est ça. Pour ne pas tomber non plus dans une sorte de caricature, bah, la justicier dans la ville, hein, voilà, le sort de personnage de Bronson. C'est, je pense, voilà, une bonne chose qu'ils ont réussi à faire et avoir mis ça surtout dans les mains de, malgré que Milus se disait complètement conservateur, il y a quand même eu des limites, il y a eu des garde-fous, je pense, pour dire il faut pas aller trop loin non plus. Faut pas trop déconner. Non, parce que ça reste quand même quelque chose qui produisait quand même pas mal d'argent. Ils se sont dit, bon, ce serait con de tout foutre en l'air. Donc je pense qu'il y a eu des garde-fous juste comme il fallait pour arriver, je pense, enfin de mon point de vue, arriver à quelque chose d'assez pas neutre, mais qui arrive à jouer sur les deux tableaux. You just killed 3 police officers, Harry. And the only reason I'm not gonna kill you is because I'm going to prosecute you with your own system. It'll be my word against yours. And who's going to believe you? You're a killer, Harry. A maniac. Alors neutre, moi je dirais pas neutre. Hein. Je dirais que c'est un film, c'est une série qui est radicale. Voilà. Mais par contre, J'ai trouvé ça assez intéressant, le remue que ça a fait autour de ce film. Alors, je suis allé un peu chercher pour regarder, finalement, les articles hein, qu'on parlait, etc. Et effectivement, il y a une journaliste qui traitait le film de fasciste. Elle s'est un peu fait sa pub oui. en faisant ça aussi. D'ailleurs, dans un film plus tard, il y a une journaliste qui se fera buter. Et le petit sourire malicieux d'Eastwood nous dit que c'était pas tout à fait innocent. Et quand on lit le texte, on retombe encore une fois sur le fait que on n'utilise pas les bons mots, quoi. Évidemment non, que c'est pas un film fasciste. Je suis toujours un peu énervé avec ça parce que je me dis, mais bon sang, les mots, ils ont un sens. C'est pas anodin le fascisme. C'est pas quelque chose qu'on lance à la légère. C'est lié à des systèmes militaires et de dictature. Donc on donne un sens. En utilisant ce mot qui est finalement de droite radicale, mais c'est deux choses qui sont quand même très différentes. Quoi. Ouais. Donc j'ai envie de dire, n'exagérons rien avec ça. Et je crois que c'est surtout un film qui a eu le culot, là cette fois encore en 73, de carrément interroger de façon très littérale pendant le film le bien fondé d'un système. Je pense qu'il pose des questions, en fait. C'est surtout ça, quoi. Il pose des questions. Il remet des choses en cause, en nous donnant un peu les clés, on va dire, en disant, voilà, ça peut faire un peu réfléchir, et à se dire, voilà, est-ce que, justement, en montrant où sont les limites, en testant les limites, je pense que, justement, ça peut un peu remettre en question et se poser, justement, des questions et se faire interroger sur des choses, nous-mêmes, en disant, tiens, c'est vrai, de ce point de vue-là, si, etc. Je pense que c'est quand même assez malin. Bah, c'est assez malin, puis ça permet quand même de suivre un film en se disant, après tout, on a le droit d'être d'accord ou pas d'accord avec un message qui est véhiculé. Mais est-ce que ça nous empêche d'apprécier un produit qui nous interroge, quoi? Là, c'est toujours ça. Est-ce qu'on veut quelque chose de lisse ou pas? On était en 73, on n'était pas en 2018 où tout le monde doit penser la même chose. Donc, on avait le droit d'avoir des productions de cet ordre. Et puis je voyais Clint Eastwood dans une interview que j'ai regardée là, quand on l'interrogeait sur cet aspect-là, sur le côté de la polémique autour de la sortie de ce deuxième film, finalement tu vois qu'on a un mec qui est pas dupe du tout, bien sûr, et qui en gros dit bon, est-ce que finalement ça nous est pas un petit peu égal du moment qu'on a un film qui raconte bien une histoire. Et après tout, on est en train de parler de Cinoche, et je pense qu'il a raison. Que le premier impératif pour un film, c'est qu'il raconte une histoire, qu'il le fasse bien. Ensuite, on a le droit de pas être d'accord avec tout ce qui peut être dit dans un film, mais n'oublions pas que c'est quand même aussi une fiction. Ouais, et puis après, c'est une vision d'artiste. Bah, dire, voilà, on peut pas forcément tout le temps reprocher à un artiste, oui, mais alors là, vous avez vu ça dans ce sens-là, moi je vois ça, bah oui, mais enfin, voilà, chacun il voit ce qu'il veut. Après, il faut pas non plus, changer les visions, faut pas non plus changer un peu le but, ou en mettre un alors qu'il y en avait pas. C'est ça aussi, quoi. Bah, on va voir ça. Justement, on va voir ça. Je te propose qu'on avance, du coup, parce que la transition, elle est tellement belle que ce serait dommage de la louper. Parce que sur le troisième film, l'inspecteur ne renonce jamais, en français, hein, The Enforcer, pardon, en version originale, qui est sorti en 76, on a un petit peu, je pense, les effets pervers de ce dont on est en train de parler. Ce film, je fais mon petit descriptif, hein, voilà, il a coûté 9 millions, il a ramené 46 millions aux US, ce qui est quand même encore mieux. Il a pas très bien marché en France, par contre. 340 000 entrées, les deux précédents, c'était plus de 700 000. San Francisco est la 8e ville cosmopolite des États-Unis. Et comme toutes les grandes cités, elle paye son tribut au crime et à la violence. Au secours ! Ne le laissez pas me tuer ! Nous voulons qu'on amène une voiture tout de suite ! Elle est la seule cité qui ait un flic comme Callaghan, un inspecteur qui ne renonce jamais. Et qu'est-ce qu'ils veulent ? Une voiture. Clint Eastwood est l'inspecteur Callaghan. Le maire de cette ville de flics pourris a été fait prisonnier de guerre par la force de frappe du peuple révolutionnaire. Que voulez-vous ? Pourquoi protégez-vous ces salopards ? Vous savez qu'ils ont tué ! Des sacrifices doivent parfois être faits, Callaghan. Vous vous trompez, inspecteur. Nous condamnons toute violence. Qu'attendez-vous alors ? Que tous les blancs se soient entretués. Après, nous prendrons le pouvoir sans violence. Vous ne renoncez jamais, vous ? Si, parfois. Oh non ! Écoutez bien ce que je pense, salopard. Vous êtes un bon à rien qui vend de la pornographie. Callaghan fait équipe avec une femme. C'est la première fois que ça lui arrive. Alors vous faites pas l'idiotie, compris? Vous posez votre arme doucement. Là, à côté de vous, et vous écartez les jambes. Vous voulez rigoler, petit? L'inspecteur qui ne renonce jamais, c'est Clint Eastwood. Plus sûr de lui, plus implacable que jamais, Clint Eastwood, l'inspecteur qui ne renonce jamais. Dans ce film-là, on a Harry qui va faire face en gros à un groupe de hippies extrémistes. Encore des gens de gauche. là, pour le coup, nous voilà avec des méchants de gauche. Hein, c'est clairement des hippies, faut être clair. Et dans le même temps, il va tellement agacer sa hiérarchie. Je peux faire une déclaration, McKay? Oui, allez-y. Votre bouche est trop près de votre rondelle. Que pour le punir, on va lui donner comme partenaire, attention, la punition ultime, une femme. Eh oui. Alors, voilà. Je vais le dire tout de suite, ce film, je l'aime pas. Voilà, mm-hmm. Je trouve qu'il est pas bon. Et rien que le principe de dire, pour punir Harry, on va lui mettre une femme dans les pattes et faire des tas de blagues avec ça, je trouve que ça fait que ce film est très daté, bien plus mm-hmm. que les deux précédents. Et heureusement, naturellement, hein, au scoop, cette chère dame va se révéler être très compétente. Et voilà, et tout va bien se passer. Ce film est surtout connu hein, pour sa scène finale, qui est un affrontement sur l'île d'Alcatraz. Mm-hmm. Avec une scène finale au bazooka qui est au bazooka. Alors voilà, c'est-à-dire que c'est pour ça, c'est une des raisons que ce film me fait plus rire qu'autre chose. Je trouve qu'on a dit depuis tout à l'heure que les films arrivaient à s'arrêter pile au bon endroit. Ouais, là non. Et celui-là en fait, je pense que là, il s'arrête pas au bon endroit quoi. Non, il y a eu deux cas où ça va beaucoup trop loin, c'est lui et le cinquième avec la voiture télécommandée, c'est n'importe quoi. Alors ouais, je sais. Voilà, il y a eu des moments où c'était un peu roue libre quand même. C'est-à-dire que c'est les deux. Après, le reste du film, bon, c'est cliché. C'est vrai que on sait très bien où ils veulent aller, ce qu'ils veulent faire, etc. Et prendre le personnage de Callan à son propre jeu en disant ah, une femme, hein, faire la gueule. Et puis finalement, la femme, elle est pas si nulle que ça. Mais voilà, c'est vrai que la scène finale, tu dis oh, bordel, merde. C'est un peu, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Non, c'est vraiment complètement con. Et puis alors en plus, si vous l'avez pas vu, on peut décrire quand même rapidement parce que je trouve qu'elle est quand même intéressante. Ça se finit donc au bazooka pour fumer le méchant. Mm. Donc un tir au bazooka, mais à une distance de 10 mètres, quoi. Enfin, ouais, c'est. Allez, peut-être, je le fais à 15 mètres. Mais ouais. C'est pas ultra encore abusé, quoi. C'est pas encore. Attention, hein, c'est pas encore la fin d'Invasion USA parce que là, c'est vraiment un duel de western à coups de bazooka dans un couloir à 5 mètres. C'est pas encore comme ça. Bon, ils ont pas poussé de vis non plus. Mais c'est parce que l'autre avait pas de bazooka, c'est pour ça. Oui, mais en plus, il gueule comme un con, comme ça, avec la caméra qui se rapproche de lui. Mais enfin, c'est vraiment très con. Et surtout qu'il y a le maire qui est juste en dessous. Bon, Harry, on sait que s'il avait buté le maire, il s'en foutait. Mais enfin, vraiment, c'est vraiment très con. Et puis, c'est pas iconique. Je veux dire, les autres, c'était, il y avait une mise en scène qui était un peu iconique et tout. Là, c'est. Alors moi je m'en rappelais pas comme ça, mais quand je l'ai revu, il y a plein de scènes qui m'ont à force de vouloir absolument adoucir Harry, on va super loin dans le politiquement correct. Et ça, alors j'ai noté qu'un truc hein, politiquement incorrect sur tout un film, c'est peu pour un film de Harry, c'est qu'on nous montre un groupuscule d'afro-américains et qui sont clairement racistes. Or ça se faisait pas trop, normalement c'est les blancs qui sont racistes et pas les afro-américains. Bon. C'est tout ce que j'ai trouvé hein, qui était vaguement politiquement incorrect, parce que pour le reste on a quand même une scène absolument épouvantable où Harry menace un suspect avec un débouchiotte quoi. Et les ventouses là, la grosse ventouse. Oui, avec un débouchiotte. Je rappelle que dans le premier film, pour essayer de faire parler Scorpio, et même il y arrivait, il lui lacérait une blessure par balle avec sa jambe, enfin en marchant dessus. Là, il menace un mec avec un putain de débouchiotte. Bah pour sa décharge, le type, il avait rien fait. Bon, enfin, il avait rien fait. Il voulait des informations, bon, c'est pas forcément un méchant, même s'il l'avait bastonné avant, parce que c'est le type avec ses prostituées et tout, là, je crois, dans son salon de massage. Mais c'est vrai qu'il y a un côté vraiment... pas comique, mais enfin, c'est un c'est... Mais si, en fait, comique, je pense que tu mets le doigt dessus, parce que même pendant les dialogues du film, en fait, je le trouve mal écrit. Je l'aime vraiment pas, hein, ce film. Hein. Mm-hmm. On a, Harry qui s'oblige à balancer des marvelous régulièrement pour essayer de trouver la punchline qui va faire de l'effet, mais c'est forcé. Mais à chaque fois, il le balance, il le voit arriver à des kilomètres, c'est juste pour faire un peu la blague du genre « Ah mon Dieu, dans quel monde je vis ?» Ça marche, mais pas du tout. Alors pourtant, je l'aime bien, la petite dame qui est avec lui, c'est celle qui jouait dans Cagnet et Lasset. Ouais, mais c'est vrai que les critiques, en plus, justement, n'ont pas été très tendres avec le personnage d'Harry et le film, mais c'est vrai que c'est le seul personnage qui s'en sort bien dans les critiques après la fin du film, et qui disent, voilà, c'est vraiment cool d'avoir une femme qui s'impose, qui en démarre pas. Elle est bien, en fait. Et, ouais. Et qui, justement, en plus, a retrouvé un rôle derrière, dedans, pendant quand même une série qui a duré 7 saisons. Bon, plus de 7 ans, parce que je crois que la série a eu un peu comme, justement, la série de Thierry des fois été annulé, revenu, etc. Mais c'est vraiment une série assez iconique qui n'est pas très connue chez nous, d'ailleurs, il me semble. Moi j'aimais bien. ouais, c'est vraiment ce genre de rôle, un peu de femme à poigne, et c'est vrai que c'était assez rare pour l'époque hein, d'avoir quelqu'un comme ça, et surtout qui peut un peu tenir tête à Harry. C'est ça. C'est vraiment, pour moi, c'est un des seuls points positifs du film, on va dire. Exact. Bah, c'est tout ce que je retiens. Mais quand je les ai revus, tu vois, j'étais même un peu dégoûté à la fin, puisque, comme je le disais, on a, dans les deux films précédents, on a un personnage très iconique, et qui, quand il a terminé sa mission, il se contente de s'en aller, et il passe à autre chose. C'était le cas dans le deuxième aussi. Et là, non. Dans le troisième, on rompt avec ce qui est devenu rapidement une tradition, mais qui collait tellement bien au personnage, et on va jusqu'au bout, quoi. À la fin du film, après sa mission accomplie, il reste à pleurer les morts qui sont autour de lui. Il serait parti, ça aurait été quand même un gros enculé, quoi. Eh ben ouais, mais c'était ça le personnage. Et on passe à la mission suivante. Je suis d'accord, c'était un gros enculé, mais depuis le début, il est quand même pas décrit comme un tendre. Hein. Non. Bah, après, je pense qu'il y a aussi. Je sais pas s'il y a de ça aussi, mais c'est vrai que le départ, c'était considéré comme étant un peu une trilogie, on va dire. Normalement, ça devait s'arrêter là. Parce que c'est vrai qu'il y a eu hein, quand même beaucoup d'années après. Avant de revoir un autre épisode, ouais. Mais est-ce que justement ça a pas joué aussi sur le fait que voilà pour c'était un peu la boucle était bouclée. Est-ce que ça a pas été justement le truc qui a été trop loin pour lui parce que bah il avait quand même un peu de sentiments. Je sais pas si on peut dire que Ken peut avoir des sentiments pour quelqu'un, mais il reconnaissait quand même la valeur de sa coéquipière, etc. Et voilà, est-ce que ça a pas été un peu trop loin aussi de la perdre à lui aussi, parce que c'est vrai que comme il dit à chaque fois, ils ont pas de bol, hein, tous ceux qui bossent avec lui, ils finissent tout le temps mal. Oui, c'est pas de bol. Hein. Mais je sais pas. Pourtant elle, c'était même pas une métèque, quoi. Et non. en même temps, c'était dans le deuxième, son coéquipier meurt, c'est juste il était gros. Bon, c'est vrai, c'était aussi un truc. Bon, mais là quand même. Alors il y a eu un hispanique, un gros et une femme. C'est formidable. Et un noir aussi. J'ai oublié le noir. Le pauvre noir qui meurt aussi. Donc bref. Mais disons que je me demande aussi s'il n'y a pas ce côté un peu genre c'est la fin. Et il part pas forcément vers autre chose. On essaie de faire quelque chose d'un peu différent. Je sais pas s'il y a ouais, ça. Ouais, c'est un peu tourner la page. En fait, même dans la description du personnage, c'est beaucoup comme ça parce qu'il est décrit comme un homme du passé. Mmh. Hein, donc au départ, il est macho. On n'arrête pas de le traiter d'homme de Néandertal. Après tout, ça pourrait être un angle, sauf que pendant le film, il reconnaît ses erreurs, hein, puis finalement il dit finalement, c'est vrai, je suis un homme du passé, en gros, c'est ça, quoi. Mm-hmm. Moi, ça m'a un petit peu attristé pendant ce film, là, indépendamment des qualités intrinsèques que je trouve faiblardes, pour le personnage, je me disais, mais il se renie, quoi. Mm-hmm. J'ai trouvé que ça ne fonctionnait pas. Même quand il est un peu dur dans les discussions qu'il a avec sa future coéquipière dans les premières rencontres, à chaque fois il radoucit derrière et il se justifie, ce qu'il ne faisait jamais. Quand elle passe un entretien d'embauche, il y a une scène qui démarre de façon très bonne, avec Harry qui est hyper agressif avec elle. Et la scène, je trouve qu'elle marche très très bien parce qu'il passe pour un vrai salopard. Parce que tous, en fait, on se dit, il se comporte comme ça parce que c'est une femme. Et en fait, il y avait un moyen là, il y avait un truc à trouver parce que c'est nous qui sommes des salopards de penser ça. Parce qu'en fait, en fait, Harry s'explique ensuite et explique que s'il fait ça, c'est pas, il s'en fout que c'est une femme, c'est qu'il veut être sûr qu'on peut compter sur elle dans une situation difficile. Mais il s'est justifié. Ouais. Et le Dirty Harry des deux premiers films, il l'interroge et il s'explique pas. Il n'a pas à se justifier. Et c'est ce côté qui ramollit le personnage et qui moi fait que voilà, j'ai un petit peu de mal avec ce film. Bah, de toute façon, dès le départ, c'était un peu le but, hein, de toute façon, la Warner, avec la manière dont le script a été fait, c'était, ils voulaient vraiment être un peu plus inclusif. Et rajouter voilà ce côté un peu femme. Au départ, elle était même censée être américano-asiatique. Donc, ils voulaient vraiment taper large. Pour être sûr. Ouais, dire voilà, allez, on va inclure, on va faire des trucs et tout. Ça va être génial. Harry, c'est l'ami de tout le monde. Donc, c'était un peu le but. Il y a aussi eu en fait deux étudiants en cinéma qui, après avoir vu les deux premiers films, se sont dit c'est génial. On va écrire un scénario et on va essayer de le proposer. Et les mecs, ils sont allés au culot. Ouais. Ils ont fait parvenir le scénario à Clint Eastwood, qui a bien aimé. Donc c'est d'eux que vient toute l'idée de cette sorte d'armée rebelle qui s'appuyait sur des choses qui existaient. Hein. Ils s'appuyaient aussi un peu sur les Black Panthers aussi par rapport aux Noirs. Voilà, ils s'appuyaient sur des choses de l'époque qui plaisaient bien Eastwood. Ils ont parlé de ça, ça m'intéresse. Au passage, un casting absolument épouvantable hein, pour les hippies là. Mais qu'est-ce qu'ils jouent hein. Oui, c'est mais non, c'est pas le méchant là. Il est mais c'est pas non, possible. Je trouvais même que le Black à un moment avec sa bande de grands noirs c'était même un peu mieux que le Ross, mais c'est vrai que les méchants sont c'est vraiment pas terrible quoi. Ils sont pas crédibles, ils sont violents pour être violents enfin voilà, c'est pas extraordinaire parce que le scénario a beaucoup été réécrit puisque justement c'est ces deux-là qui ont amené toute cette idée donc d'armée révolutionnaire, de kidnapping du maire, etc. Le scénario a été fusionné avec celui de la Warner pour ajouter la femme, parce que bon, Eastwood, il se disait mettre une femme et tout, c'est pas mal aussi, j'aime bien cette idée, bon, on va essayer de tout mélanger. Ça a été réécrit plusieurs fois, parce qu'à chaque fois, la relation entre Callahan et Moore était trop mise en avant, et pour Eastwood, c'était pas bon, il fallait se concentrer sur l'essentiel. Ça a toujours été quelqu'un qui a voulu tout le temps se concentrer sur l'essentiel, sur tous les films, à se dire, voilà, on vire un peu le superflu et on va droit au but, un peu comme Callahan, quoi. Un peu comme Harry Callahan. Mais là, je pense qu'il y a des choses qui se sont perdues un peu en cours de route, forcément peut-être des traits écrits, sûrement des pressions qui disaient que, voilà, bon, faut un peu adoucir, faut arrondir les angles, etc. Donc, à mon avis, je pense que c'est pour ça qu'on se retrouve avec une sorte de blougi-blouga, qui essaye un peu de jouer sur les deux, mais qui n'arrive aucun des deux, au final, parce que, ça marche pas, bon voilà, des fois c'est comme ça, hein, quand c'est trop retouché, au bout d'un moment, faut laisser tomber, hein, de toute façon. Non, puis en plus, encore une fois, on a une réalisation que je trouve très faible, hein. C'est très plat, quoi. Disons que je pense que si, ça a dû être compliqué, parce que bah, normalement, c'était Eastwood qui devait le faire, mais comme il avait d'autres engagements sur Josie Wales, il n'a pas pu le faire, mais il l'a quand même fait à moitié, on va dire, parce que donc c'est un de ses assistants de long terme hein, qui a réalisé le film, mais Eastwood gardait quand même un pouvoir de décision très important, c'est lui qui prenait toutes les décisions importantes, etc. Donc je pense que là aussi, tu peux pas être aussi efficace que si tu gères tout toi-même ou que si une seule personne gère avec sa vision. Donc même si ça s'est quand même mieux passé qu'avec le réalisateur du précédent, avec lequel Eastwood essayait un peu de faire des trucs et le réalisateur aussi. Enfin bref, il y a eu un peu des accrochages. Ça s'est mieux passé, mais au final le résultat est pas forcément meilleur parce que, bah, à mon avis, c'est tout le temps pareil. Hein. Vaut mieux une personne qui fait vraiment ça à fond que deux qui font ça à moitié. Qui a une vision un petit peu. Alors t'as un peu répondu, je crois, à la question que je voulais poser, parce que finalement, moi, je me demandais si on pouvait rester un sujet de polémique quand on devient trop populaire. Mmh. Je crois qu'on a répondu. Hein, oui. L'exemple de Harry, ben c'est non. Mmh. Ce film, clairement, on a un personnage qui devient populaire. Ça devient pas tenable à un moment donné de rester un salopard, hein, un charognard. Bah voilà. Comme on dit en VF. Si on veut tout le temps en avoir plus, hein, c'est comme tout. Hein, plus tu veux toucher le monde, plus il faut parler à tout le monde. Et plus tu parles à tout le monde, plus tu te dilues. Je veux dire que tu sois extrémiste jusqu'au boutiste, on va dire, comme le sujet des l'artillerie, ou pour n'importe quel autre film, n'importe quel autre sujet, si tu te dilues, bah, au final, est-ce que ça sert encore à quelque chose? Voilà, tu te perds au final, et c'est vrai que bah, c'est exactement ce qui est arrivé là. Quoi. Ouais, ça me fait penser à un truc, je me demande, c'est pas un petit peu la malédiction du troisième, parce que je pensais à un exemple comme Dirty Harry, qui a suivi exactement la même courbe, c'est Robocop. Mm-hmm. Je savais pas que je parlerais deux fois de Robocop ce soir. Hein. Mais Robocop, on a un premier film qui est ultra violent, cynique, qui est ultra pour adultes, hein, et un deuxième film charcuté, Bon, passons, c'est pas de Robocop dont on parle, oui. Même s'il y aurait beaucoup à dire, ce serait pas mal, tiens, Robocop, un jour. Et on a un troisième film qui est embarrassant, oui. Tellement il veut gommer le passé pour faire quelque chose de politiquement correct. Ah, et j'irais même qu'il essaie voilà, de vendre des jouets, quoi. C'est, on arrive vraiment à c'est un ça, niveau... C'est ça, mais tu retrouves le même schéma dans plein de trucs. Dans Star Wars, les Ewoks, c'est dans le troisième film, hein, tu vois ce que je veux dire. Et si tu prends Indiana Jones, le deuxième, il est hardcore, et le troisième, ça y est, on radoucit tout, quoi. Je me demande si c'est pas un peu une tendance, une façon de penser des studios. Ouais, je pense que c'est une manière de penser. C'est voilà, même si des fois sans s'en rendre compte, on finit par essayer de toucher le plus grand nombre, de s'adoucir, de voilà. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup, comme avec Robocop, c'est des films qui ont été faits au départ en se disant on va le faire, mais bon voilà quoi. On sait pas ce que ça va donner. C'était peut-être des one shot ouais, au départ. Et puis finalement ça marche. Ah merde, ça marche. Bon bah on en fait un deuxième un peu dans le même genre. Bon bah on a fait un deuxième, ah ça marche encore plus. Il dit merde, ouais, merde. Mais il y a beaucoup de gueule quand même, hein. Donc bon bah pour qu'il continue à venir, bah on va essayer d'adoucir un peu. Donc voilà, je serais curieux d'ailleurs de. Après c'est peut-être pas vraiment le même, mais par exemple des films comme Deadpool, comme John Wick, qui sont des films qui ont été faits au départ comme des one shot en disant on tente le tout pour le tout. Voilà, on va s'amuser, on va faire un truc. Et on balance ça, et puis advienne que pourra. Et ça marche, et ils en font d'autres. Je serais curieux de savoir ce qu'ils vont donner. John Wick, encore, il n'y a pas tant de polémique que ça, parce que c'est le style du film d'être vraiment hardcore, on va dire, entre guillemets. Donc bon, il reste dans sa case, et je pense peut-être qu'il continuera. Pas de raison que ça non. bouge. Deadpool, j'avoue que je ne sais pas. J'avoue que j'ai un peu peur pour ce que ça va devenir. Alors eux-mêmes, je pense, doivent être bien conscients de ça, donc sûrement qu'ils vont essayer de l'éviter. Mais je suis aussi curieux de voir un peu ce que ça peut donner, s'il y aura, une malédiction un peu qui va finir par le frapper aussi, parce que bah, plus tu veux brasser, plus tu es obligé d'être gentil, quoi. C'est un petit peu triste, mais c'est vrai que c'est quand même des vraies questions qui se posent, hein, parce que finalement, là, on est sur une série où on avait deux premiers épisodes qui étaient radicaux et qui ont très bien marché, quoi. Donc, tu te dis... Après, celui-là, quand même, au final, en termes de recettes, il a quand même aussi très très bien fonctionné. Ah non, il a très bien marché aussi. Il a beaucoup moins bien vieilli, quoi. Vraiment. Clairement. L'ensemble du personnage... Dans la gueule. Dans l'ensemble iconique du personnage, Enfin voilà, c'est quand même, tu te dis, c'est un peu le truc que tu veux un peu planquer sous le tapis, parce que tu te dis, bon, voilà. Mais, et d'ailleurs, il y a peut-être une explication toute bête à ça, c'est que des trois films qu'on a couverts, là, celui-ci, c'est celui qui a le moins de sens. Mm-hmm. Où finalement, l'histoire, elle raconte pas grand-chose. C'est plus, on se centre plus sur l'évolution de Harry, et l'évolution qu'on nous montre, c'est une évolution, je sais pas s'il y a quelqu'un qui a envie de le voir, ça. Je veux dire, ceux qui vont voir un troisième épisode parce qu'ils aiment un personnage pendant deux films, est-ce qu'ils ont envie de le voir se ramollir, quoi? Est-ce que c'est tout, capitaine? J'ai autre chose à faire. Pas à la criminelle. Quoi? Vous êtes muté au service du personnel. Au personnel? On y met que les trous du cul. Je suis resté au personnel pendant plus de 10 ans. Oui. Je suis pas du tout sûr que ce soit le cas. Puis en même temps, on l'a dit pour les deux autres, il y avait quand même des sacrés noms derrière. Et là, tu dis, bah tout de suite, il y a moins de choses. Donc, je pense que ça s'est moins concentré sur l'histoire plutôt que sur le personnage et plus joué là-dessus, quoi. Vraiment sur. En fait, Harry est limite devenu plus célèbre que ses films, en fait. Ouais, ah bah ça clairement. Mais là on va en parler, je pense, sur le prochain épisode sur le comment dire l'ampleur qu'a pris Harry et Eastwood sur la série en elle-même. Mais sur celui-ci, moi, il y a un truc que je trouve frappant et ça se voit bien, notamment sur on voit finalement qui est derrière et comment le film est conçu. C'est cette espèce de bordel complet. Tu nous l'as décrit, hein. On a une histoire de base, là-dessus on rattache en plus une autre idée avec une idée de duo avec une femme qu'on rajoute sans trop l'ajouter parce qu'il faut pas que ça passe au-dessus de l'histoire, et à la fin ça finit par une espèce de combat un peu de série Z finalement qui sort un peu de nulle part, faut bien reconnaître, c'est la fin, elle est enfin je veux dire c'est en même temps c'est rock avant l'heure. Oui, un peu ouais, mais c'est salopo rock quand même, parce que ça a beau être Michael Bay, c'est quand même une œuvre iconique, et mettre ça côte à côte, c'est chaud quand même. Là c'est du combat de mannequin là à côté, bah, de mannequin. Hein. Ça, C'est clair. S'il avait eu Nicolas Cage contre lui, Eastwood, peut-être qu'il serait chauffé. Prochaine connerie contre Clint Eastwood. Voilà, ouais, ça aurait été des trucs assez fous, quoi. Mais c'est vrai que là. J'aurais préféré Nicolas Cage, quand même. Oui, sûrement, il nous aurait gratifié d'une belle coupe de cheveux à l'époque. Je ne sais pas où il était, mais bon. mais c'est là que tu dis, quand même, il manquait un type comme Milu, justement, encore, qui aurait pu mettre des coups sur la table, on va dire, un peu, parce que c'est vrai que le type, voilà. Mais je pense que c'est ce qu'il a manqué, en fait. Comme quoi, des fois, t'as beau avoir plein de choses bien. Il suffit d'un engrenage qui soit pas là et tout de suite ça tombe un peu à plat, quoi. Et si on repartait du coup sur quelque chose de plus positif, oui, avec le quatrième film que j'ai vu, ouais, moi aussi, ouais. Personnellement, l'inspecteur Harry est de retour dans Sudden Impact. Mais qu'est-ce que tu fous là, sale pourriture de flic? À présent, posez vos armes, les enfants. Sans blague. Nous n'allons pas vous laisser partir comme ça. Qui c'est, nous, connard? Smith, Wesson et moi. Vas-y, allez. Fais-moi plaisir. Fais-moi plaisir. Clint Eastwood, l'inspecteur Harry. Sudden Impact. Donc on va retourner maintenant vers un film d'une meilleure qualité. Alors comme tu me le dis, c'était plus une trilogie, les trois premiers films. Donc celui-là, il est un petit peu plus sorti de nulle part, pas complètement, mais disons qu'il arrive un peu plus tard, en 1983. Parce qu'on va parler de Sudden Impact, en VF, le retour de l'inspecteur Harry, qui est cette fois-ci qu'un budget de 22 millions, après on est en 83, donc ça monte, mais qui a encore une fois très bien marché, hein, qui a ramené 67 millions des US, et là en France il a cartonné, puisqu'il fait 937 000 entrées. Voilà. Donc c'est quand même vraiment pas mal, et ce film est cette fois réalisé directement, c'est assumé, par Clint Eastwood lui-même. Au moins, plus de soucis, là, comme ça, il dirige tout de lui-même. Là, les choses sont claires. Alors, je vous fais le petit résumé de l'histoire. Hein. Donc, dans ce film, une femme abat froidement un homme au début du film en lui tirant entre les deux yeux et, comme dirait Bennett, entre les deux couilles. Mais il y a rien qui d'ailleurs, hein, quand même, Bennett, il craint. Alors, à la suite de ça, hein, pendant pratiquement la moitié du film, d'une façon assez étonnante, on voit Dirty Harry qui fait son petit numéro habituel qu'on connaissait bien avec son magnum 44, là, en continuant de défier sa hiérarchie, en pestant contre le système. Alors, j'allais dire habituel, mais non, en fait, très différent du film précédent. Et il arrive à tellement énerver tout le monde qu'il se fait finalement imposer des vacances, hein. Après être allé provoquer un gros bonnet de la mafia locale, tellement qu'il a fait un infarctus. Donc c'était quand même dans une scène qui est très cool. Do you know the emergency phone number for San Francisco General? Yes, I do. Well, why don't you call them right now and have them send down an ambulance? Tell them there's two sorry-looking assholes here with multiple contusions and various abrasions and broken bones. Inspector Callahan, I want to talk to Thrillkiss. At his granddaughter's wedding? On what business? I want to help him catch the bouquet. They have harassment laws, Inspector. Now sit down. Well, please. Champagne, it's imported. You know, men like wine should grow finer, more civilized. They should mellow, become more worldly. But not Callahan. Callahan is the one constant in an ever-changing universe. Linda Doker. She was fished out of the bay a month ago, with her breast slashed, her feet burned, her face smashed to a pulp. I read about it. A hooker, wasn't she? Very expensive one. In fact, her specialty was making old scumbags mellow and worldly. I think she had a special customer who told her a lot of things. You are a fool, Callahan. She might have been clever enough to write these things down. Maybe she made a copy of them. Maybe she didn't even tell about it when she was being tortured and beaten. I wonder what that old scumbag's bosses are gonna say when they find out about it. Or maybe his family. Maybe his ass is in a ringer. You fuck bad. No. Et il mettra ses vacances à profit, bien sûr, certainement pas pour se reposer, mais déjà en essayant de ne pas mourir pour résister aux hommes de main lancés à sa poursuite, hein, suite à l'infarctus de notre gros bonnet. Et bien entendu, il va tomber sur la suite d'une enquête qu'il avait commencée, avec en reliant les points entre une série de morts qui ont les testicules répartis dans le décor, ça va rappeler quelque chose. Et c'est là qu'il va croiser un ange de la mort qui est une victime tout autant qu'un bureau et qui est pour le coup une jeune femme. Et là, un personnage qui a pas mal d'épaisseur, quoi. Donc voilà le pitch. On va pas aller complètement jusqu'au bout parce que je trouve que c'est un film qui est vraiment très très bien équilibré. Moi, c'est mon préféré hein, de la série. Ouais, je trouve qu'il est assez original dans le traitement, dans l'idée, dans. Enfin, il prend le contre-pied de pas mal de choses. Et je trouve que ouais, il est assez couillu. Et moi aussi, j'aime beaucoup ce volet-là en tout cas. Déjà, si j'aime ce film, c'est parce que après l'épisode précédent, donc vous avez compris. À quel point je le trouvais un peu trop gentillet. Là, on a un retour de Harry. C'est comme si les troisième épisode n'avait pas existé. Ouais, il a un peu zappé. On est mis de côté, on s'est dit, hop, allez, hop. Exactement. Et là, on le voit revenir finalement plus énervé que jamais. Il y a même un petit peu une redite d'une scène de braquage avec des voyous qui se font défoncer. Et là, tu m'as appris que c'était dans cette scène qu'on avait la fameuse réplique hein, que tu vas nous donner. Le Go Ahead, Make My Day. Exactement. Ça vient de celui-là. On pourrait croire que ça vient des autres, que ça a été là depuis le premier, mais en fait non, c'est dans le quatrième que, d'ailleurs, cette réplique fameuse a été reprise par Reagan. Mais c'est ça. C'est dans, dingue, dans un discours que Eastwood l'a repris aussi quand il a voulu être maire de sa petite bourgade de Californie où il était beaucoup. Il l'a repris. Là, il avait mis Make My Day, Make Me Mayor ou un truc du genre. Ouais. C'était devenu iconique. Hein, mais ça vient de celui-là. Alors ça, c'est génial parce que j'ai regardé le conducteur là qu'on a préparé ensemble. J'ai découvert que tu mettais ça et je vais être tout à fait honnête, je t'ai pas cru. Ah sympa. Non, tu sais ce que j'ai fait, donc je suis allé vérifier ça. Je suis merde, il a raison. Et c'est là que j'ai réalisé que j'ai vu les films en VF et que j'étais persuadé que le Make My Day était traduit d'une façon ou d'une autre. Et notamment était traduit par le temps plaisir. De ta chance. Ouais, temps de ta chance, fais-moi plaisir. Et donc voilà, j'étais persuadé que depuis le premier épisode, il y avait le Make My Day. Ouais, je pense que c'est la VF qui nous a fait penser ça, mais en fait non, c'est vraiment là. Et je ne sais plus par quoi ils le traduisent exactement d'ailleurs en français. Fais-moi plaisir. D'accord. Ouais. Ça c'est vas-y, fais-moi plaisir. Et donc le reste, ouais, c'était avec le tu l'attends ou pas, etc. Et c'est vrai que c'était deux choses différentes au final. How you boys put those guns down? Say what? Well, we're not just gonna let you walk out of here. Who is we, sucker? Smith and Wesson and me. Oh! Go ahead. Make my day. Alors, donc, dans ce film, il y a le côté retour d'un Clint Eastwood, finalement, à nouveau radical, je dirais. Donc, c'est vraiment le retour aux sources, en fait. Hein. Mm. Et, mais dans tout, hein, même au niveau des dialogues, des punchlines, c'est vraiment un retour en forme qui me fait dire que le petit père Eastwood, il s'est peut-être rendu compte que le film précédent, bah, ils n'avaient pas forcément fait ce qu'il fallait, quoi. Non, ça allait pas, peut-être pas assez loin. Puis ouais. Sûrement que les gens ont dit, voilà, qu'ils avaient un peu perdu le haring jusqu'au boutiste, qu'ils s'étaient un peu gauchisés, je sais pas. Bah, c'est peut-être ça, un peu. Et donc, voilà, ouais, je pense que là, ils veulent revenir et retaper un grand point sur la table et puis dire que Harry, voilà, est toujours là, est toujours pareil, est toujours droit dans ses bottes et que, faut pas l'emmerder, quoi. Hey, Callahan. Allons, fais pas cette gueule. Tu peux pas gagner tout le temps, pauvre mec. Écoute, pourrieux. Pour moi, tu n'es qu'une merde de chien qui s'étale sur un trottoir. Et tu sais ce qu'on fait d'une merde de ce genre. On peut l'enlever soigneusement avec une pelle, on peut laisser la pluie et le vent la balayer, ou bien on peut l'écraser. Alors si tu veux un conseil d'ami, choisis bien l'endroit où on te chiera. Dans l'histoire, il y a quelque chose que j'adore, je trouve que c'est une idée absolument remarquable, c'est que donc cette femme qu'il va croiser, finalement on a un peu l'impression que c'est un alter ego de Harry, puisque elle aussi elle bute des gens qui ont des choses à se reprocher, quoi. Et il y a une espèce de jeu qui s'installe entre Harry et elle. Donc il y a beaucoup de sous-entendus. Harry comprend assez vite à qui il a affaire, mais en gros n'arrive pas à se résoudre sur la décision qu'il doit prendre. Est-ce qu'il doit l'empêcher? Est-ce qu'il doit la laisser faire? C'est pas du tout clair. Hein, et on sent un peu un conflit comme chez Dark Vador. Ouais. chez Harry, et je trouve ça vraiment super intéressant. Bah surtout qu'elle a quand même une bonne excuse quand même. Mais elle a une très bonne excuse. Parce que c'est vrai que ce serait juste un personnage qui ce serait trop redit du deuxième, qui ferait juste voilà flinguer des mecs qui ont été méchants avec des femmes, et je sais pas quoi. Mais c'est vrai qu'elle a quand même une très bonne excuse qui est bien mise en avant dans le film et qui est importante pour le personnage. Je veux dire, c'est voilà, tout est basé là-dessus, et on sent que Harry le comprend et se dit, enfin peut-être, si on y pense, se dit que peut-être que pour au final faire le deuil un peu de ce qui lui arrivait, c'est peut-être la meilleure chose qu'elle ait à faire. C'est peut-être ce qu'il faut faire. Et c'est tout ça nous amène vers une scène finale qui est absolument fantastique, hein, pour le coup, où Harry doit décider. Il doit décider de ce qu'il doit faire avec elle. Et on a un très beau dialogue, je trouve. Ce qui est très réussi, vous voyez, on prend grand soin de ne pas le dire, hein, parce que comme ça, si vous n'avez pas vu le film, que ça vous oblige alors, un peu. C'est vraiment, je pense que oui, s'il y en a au moins un, alors si quelqu'un n'a jamais vu un seul Harry, bon, on va pas juger, on ne jugera pas. Mais on jugera un peu quand même. Après, quand on sera hors ligne, on jugera beaucoup quand on sera hors ligne. Hein. Ouh là là. Mais c'est vraiment un de ceux à voir, parce que c'est vrai que ça représente assez bien le personnage et je trouve que l'histoire, le scénario vraiment est vraiment très bien, et il y a un peu tout le panel du personnage, et avec surtout cette balance, hein, entre la justice, faire la loi, parce que la loi elle l'emmerde un peu, mais disons, ouais, voilà, faire ce qui est juste, faire ce qu'il a toujours fait depuis des années et des années. Voilà, il y a les décisions un peu à prendre, à se dire voilà, qu'est-ce que je fais maintenant, est-ce que je continue comme avant droit dans mes bottes, ou est-ce que je fais une entorse un peu, voilà. C'est vraiment il y a de ça. Puis alors, c'est d'autant plus, ça marche d'autant mieux que cette femme, c'est aussi sa femme, Alice Wood. À l'époque, ouais, ils étaient ensemble déjà depuis pas mal d'années, hein. Je crois que c'est des fin 70, je crois qu'ils ont été ensemble jusque milieu des années 80, je ne sais plus quand exactement, mais ouais, ils étaient pas mariés, je crois, mais ils étaient ensemble en tout cas. Ouais, ça fricotait, mais je crois que c'est pas le seul film, hein, qu'il a fait avec elle. Non, puisque il y a le fameux film avec le bus là. J'adore ce film. Oui, je ne sais plus comment il s'appelle. Évidemment, on va réussir. On est deux, on n'est pas foutu de trouver le titre. Non, hein, non, c'est pas possible. C'est un témoin. En gros, il doit la protéger. Ah. Et puis il fait. Il y a une scène de la scène finale est absolument stupéfiante. Traverse la ville en bus blindé pour aller. Un bus blindé, il se fait. T'as des mecs, des tireurs dans tous les sens. C'est invraisemblable ce truc. Ouais, c'est un super film. J'adore ce film. Bon. Vous chercherez dans la filmo. J'adore ce film qu'on n'arrive pas à voir. Chercher bus blindé. La filmo de Clint Eastwood et puis. Et alors donc sur ce film, je vais revenir un petit peu là-dessus, on a Clint Eastwood qui finalement est réalisateur. Et je trouve qu'il livre une performance de folie derrière la caméra. Je pense que de la série, c'est vraiment le film le mieux réalisé, mais de loin. Même bien mieux que le Seagull, parce que je pense qu'il y a un vrai point de vue. Et notamment, beaucoup de jeux sur l'obscurité. Oui. Énormément. On a des champs contre champs de lumière en fond, enfin vraiment les scènes avec les montagnes russes, les trucs. Enfin, c'est vraiment, il y a des plans vraiment très très sympas. C'est vraiment chouette et alors pour le coup, ce film, je l'ai vu pas mal de fois, donc je le connais quand même bien. Donc sur mon dernier visionnage, je me suis pas mal arrêté là-dessus, où il y a beaucoup de scènes où en fait on ne voit pas le visage de Harry. C'est assez étonnant, où c'est des silhouettes découpées, notamment dans l'affrontement final, hein, qui est assez iconique là pour le coup. Faut dire qu'il en impose drôlement, mais sans montrer son visage, et pour le coup ça donne encore une dimension à Harry, encore plus iconique, j'ai envie de dire. Pour le coup, il représente le brave vengeur de la justice. Oui, c'est vraiment l'image, hein, c'est une image, l'image ultime, je veux dire, c'est désincarné, on va dire, mais en même temps, il n'y a même pas besoin de le voir pour savoir que c'est lui, ce qui va se passer, ce qu'il va faire, etc. Et c'est très bien mis en image. C'est même d'autant plus abusé que tu arrives à avoir un découpage de la silhouette de Harry, donc qu'on reconnaît déjà bien, mais y compris la silhouette du flingue. Oui, bah oui, tu sais, de ce flingue gigantesque là. Le truc, je ne sais pas comment on peut vraiment le soulever. C'est le 40 de Tomag là, sur lequel il s'entraîne sur des cibles, hein, qui en concentre, tu dis quand il s'entraîne dessus, tu dis oh, vivant qu'il flingue des mecs avec. Non, mais. Enfin, là, c'est vraiment, tu dis, c'est un canon sur pattes, le bazar, mais ça lui va tellement bien, ça colle tellement au personnage, et t'es une sorte aussi, en cop d'âme, hein, t'es une sorte de soulagement, entre guillemets, à flinguer tous ces enfoirés, parce que c'est quand même des gros enfoirés notoires dans ce film, les méchants. Ah oui, là, pour le coup, il y a vraiment... Alors là, la question ne se pose pas, c'est encore plus malin que précédemment, parce que je pense qu'on est non seulement complètement derrière Harry... Mais on est derrière aussi le personnage féminin, mais à 300%. Exactement, quoi. Exactement. C'est exactement ça. C'est assez incroyable, c'est vraiment très malin, c'est super bien fait. Et il n'y a pas un seul moment où tu dis, ça va, oh, ils vont un peu trop loin. Non, c'est juste, faut les retrouver. Et tu te dis même à la fin, ah, est-ce qu'ils vont réussir à tous les flinguer, quoi. C'est exactement ça. Et c'est là où c'est fort. C'est là où c'est fort, parce que... On arrive, je trouve que dans cet épisode, autant dans le tout premier, on pouvait être un petit peu mal à l'aise à aimer un personnage qui était un psychopathe finalement. Je trouve que dans cet épisode, la question se pose beaucoup moins, alors que fondamentalement, on a un héros et je dirais une héroïne d'une certaine façon qui font la même chose, hein, qui butent. Mais le fait que de donner de si bien expliciter les raisons pour lesquelles il y a des exécutions, ben en fait on prend fait et cause, on ne se pose même pas la question. Et c'est futé, je trouve, parce que du coup les interrogations que a Harry Callahan pendant le film et ce jusqu'à la fin, ben en tant que spectateur, franchement, on est exactement les mêmes. On se pose la même question, et c'est toujours extrêmement efficace quand dans un film on arrive suffisamment à se mettre dans les pompes du héros pour se dire à sa place, qu'est-ce que je ferais. Ah, c'est vrai que c'est quand tu regardes, c'est très compliqué, et surtout en plus Sandra Locke joue super bien, vraiment. Ouais, elle est parfaite. C'est vraiment ce mélange de je dirais pas de faiblesse, mais de cette personne que tu as envie, fragilité, voir la fragilité, vraiment envie de se dire qu'il faut la protéger parce qu'elle a vécu des trucs horribles, et en même temps cette détermination sans faille et cette absence de regret, d'hésitation ou de quoi que ce soit à tuer tous ces mecs, c'est une ambivalence très étrange, mais qui est superbement bien mis en scène, quoi. Et pour le coup, Dans cet épisode, qui décidément cumule les qualités, je trouve que c'est le casting dans son ensemble qui fait merveille. Parce que les méchants de cet épisode, je les trouve super, vraiment. Déjà parce que majoritairement, c'est des ultra salopards. Il y a un panel de méchants qui est remarquable. T'as une bonne femme qui parle comme un charretier, t'as envie de lui mettre des tartes. Oui, non, c'est... Mec, regarde mes deux. Ça te dit qu'on parie à qui sifflera plus de bière en une heure ? Perret, tu veux bien de nous ? Toi, va te faire mettre par une pompe à chiottes. Alors quoi, Kruger ? Qu'est-ce que tu en dis ? Je me tire, voilà. Oh merde, Kruger, t'es devenu aussi emmerdant que les autres. C'est vrai, t'as drôlement changé. Hé ! Salut, matelot. Salut. Tu me fais avoir, chérie, à... Un autre jour. Vas-y, mon gars. Je sais que tu veux me demander quelque chose, sois pas timide. Allez, vas-y, j'ai envie de te dire oui. Jamais avec les animaux. Salaud, espèce de... T'as une espèce de psychopathe qui, lui, c'est vraiment le sociopathe même. Hein, c'est la saloperie totale. Mais t'as aussi, dedans, un méchant qui regrette ce qu'il a fait, qui est pas du tout à l'aise avec ce qui s'est passé. Et c'est là, le film est suffisamment malin pour te dire, même là, quand t'as pris fait et cause, tu doutes quand même. Eh bien, c'est pas si simple. Finalement, c'est pas si simple. Non, tout n'est pas noir ou blanc, quoi. C'est vraiment, c'est le film, il est gris, c'est gris, gris par définition, quoi. Vraiment tout est remis des fois en question, malgré que, comme tu dis, on prend vraiment fait et cause pour eux. Tu dis des fois, c'est vrai que c'est jamais acquis, quoi. C'est vraiment on te chamboule tout au long du film jusqu'à la fin, et c'est ça qui fait la grosse force du film, quoi. Alors du coup, la question que je voudrais poser sur en rebondissant sur ce film, parce que là clairement Clint Eastwood a pris totalement la main sur Dirty Harry. Alors parce que on l'a dit comme ça doucement depuis le début, hein, mais finalement il a été un peu choisi presque par défaut comme acteur. Ouais. Et là, on est au quatrième film, et Dirty Harry, c'est Clint Eastwood. Bilou en a parlé, même au niveau de la réalisation, avant qu'il réalise, il était déjà très intégré dans le processus de réalisation. Il donne son avis sur l'écriture. Quand tu regardes des émissions sur Dirty Harry ou des interviews, t'as l'impression que Clint Eastwood, c'est lui qui décidait de tout. Il amène qui il veut sur le plateau. Enfin, il produisait aussi hein, via Malpasso là, sa boîte, c'est dès le départ. Hein. Malpasso là, il fait tout. Et là sur ce film, pour le coup, c'est vraiment du 100% Eastwood, celui-ci. Donc la question que je me pose en constatant ça, c'est finalement Clint Eastwood. Et si c'était un grand cinéaste ? Je suis pas sûr que ce soit forcément le nom qui nous vient en tête en premier lieu, mais moi, j'ai réalisé finalement que il a une filmo de malade. Ah oui, quand tu regardes bien, c'est vrai que rares sont les mauvais choix, on va dire, ou les choses un peu trop, enfin qui sont là juste histoire de parce qu'il faut payer les impôts, quoi. C'est quand même assez rare. Alors en fait, je pense que c'est un type qui n'a pas eu une reconnaissance hyper forte en tant que réalisateur. Attention, il a eu une reconnaissance, faut pas exagérer. Hein. Mais parce qu'il a un style finalement assez académique, d'une façon globale, pas très marqué, même s'il fait des très beaux plans. Hein. Mais, j'aime pas la totalité de ce qu'il a fait, mais je vais citer quelques films là, que j'aime beaucoup, dans l'ordre de passage. Un frisson dans la nuit, film de dingue. L'homme des hautes plaines. José Welles sort la loi. L'épreuve de force. Tiens, l'épreuve de force. Voilà, il va. C'est lui. Pal Rider. Bird. Impitoyable, que j'adore, Impitoyable. Un monde parfait et un plan de fou à la fin. Minuit dans le jardin du bien et du mal. Space Cowboy. Mystic River. Million Dollar Baby. Gran Torino. Tout ça, c'est réalisé par Clint Eastwood. Non, c'est... Excusez-moi du peu, mais je pense qu'en fait, oui, je pense qu'on s'est surtout concentré sur, on va dire, les années 2000, sur ce qu'il a réalisé depuis environ 2000, fin 90-2000, en oubliant justement tous ces films-là. C'est ça, on a juste zappé qu'il avait fait un truc comme José Wells sur la loi, qui est un western de dingue. Il y a beaucoup de choses qu'on a un peu zappé au départ en disant ouais, waouh, il y a Clint Eastwood, mais en se disant que bah en fait ouais, c'était lui aussi qui était derrière, et on s'est surtout concentré sur tous ces sa dizaine de dernières réalisations quoi. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses comme ça qui sont passées complètement sous le radar et qu'on a intégré comme étant des bons films, mais disons, mais sans se demander pourquoi en fait vraiment derrière. En fait on n'a pas ressorti le caractère de réalisateur, alors que finalement quand on écoute parler Eastwood, on voit que c'est un type qui est très pragmatique. Lui il a une histoire, il va essayer de la raconter de la meilleure façon possible. Et voilà, et c'est tout. Et si ça passe par... et ça veut dire sans fioritures, il continue de ressembler à Dirty Harry. Ouais. Il faut arriver au but, mais n'empêche que cet aspect finalement très très direct dans sa façon de raconter une histoire, moi je trouve ça terriblement efficace. Et je me suis rendu compte très tard que j'aimais vraiment la filmo d'Eastwood, et donc c'est un aveu hein, pour le coup. Là. C'est vraiment en regardant Grand Torino. Que j'avais pas du tout envie de regarder. Le sujet me parlait pas trop, jusqu'à ce que en le regardant je me dis mais merde, en fait c'est le dernier Dirty Harry. C'est Dirty Harry à la retraite, c'est un ce peu film. Ça, ouais. Et où je me suis retrouvé à la fin du film totalement ému, enfin une serpillière dans mon canapé. Et là je me suis dit mais ce con il est fort, et on est parti sur un sujet qui m'intéressait pas du tout, le truc typiquement américain ça me parle vraiment pas, et à la fin je me suis complètement fait avoir. Alors je suis un peu plus réservé sur ces dernières productions, je pense que ce serait bien qu'il arrête. Bah il y en a certains qui deviennent un peu trop peut-être trop cliché, trop. Et on a l'impression que l'homme de droite revient un peu trop par-dessus le truc, oui. Je ne sais pas. Alors qui revient un peu trop, puis je suis pas sûr qu'il ait encore beaucoup de choses à raconter, en fait. C'est peut-être un peu ça. Sur les derniers, je dirais que un truc qui vraiment que j'ai revu en plus, les deux, c'est La mémoire de nos pères et Ujima. Alors moi qui suis pas du tout intéressé aux films de guerre, je suis passé à côté. En termes de réalisation, bon, tout n'est pas parfait. Je pense que Iwo Jima, par contre, Iwo Jima, il faut le voir. Le mémoire de nos pères, c'est, disons que le sujet est important, la manière dont il est mis en scène, bon, les plans sont pas forcément tous extraordinaires, il y a un peu de redite, bon, mais le sujet, je pense, est intéressant. Par contre, le fait qu'il ait voulu faire les deux, des deux côtés, je trouve ça extraordinaire, c'est une idée géniale. C'est très intéressant, la démarche est intéressante. Et surtout, les deux côtés, je veux dire, tu te rends compte, pour moi, il n'y a pas un autre film, enfin, bon, il y a beaucoup de films qui arrivent quand même à le montrer, mais qui arrive à montrer à quel point c'était complètement débile, quoi. Je veux dire que la guerre est débile, et surtout des guerres comme ça, où pour, c'est des histoires d'ego, surtout du côté japonais. Donc, mais vraiment, le Iwo Jima, je trouve vraiment génial. Et cette idée d'avoir fait des deux côtés comme ça, peu l'ont fait, peu peut-être l'aura de Eastwood aussi pour réussir à le faire, parce que c'était quand même deux films à faire. Mais je trouve que oui, il a réussi à faire des choses des fois dans ses films, dans ses réalisations, qui sont vraiment géniales, et que je pense qu'ils sont un peu passés comme ça, comme tu dis, un peu sous le radar, ou bon. Bah, en fait, je pense que c'est le temps joue pour lui. Mais vraiment, j'en suis persuadé. C'est-à-dire qu'il y a aussi des redécouvertes qui se font dans sa filmo. Dans ceux que j'ai nommés, par exemple, je disais un frisson dans la nuit. Qui se souvient de ce film? Et moi, je peux vous assurer que si on lance un frisson dans la nuit aujourd'hui, c'est un film qui est, pour le coup, lui aussi très radical, et qui ressemble pas du tout à ce qu'on attend de Eastwood. C'est hyper malsain comme film. C'est un type qui est plus complexe qu'on peut penser. Quand il a une histoire à raconter, il y va. Je parlais de l'homme des hautes plaines. On a une espèce de perfection de western américain. Lui qui a tourné dans du spaghetti jusque, et il joue beaucoup avec son personnage. José Wells, c'est encore autre chose, c'est presque un film fantastique. C'est complètement fou. On a évoqué la scène de l'épreuve de force là avec le bus, et en fait c'est ça Clint Eastwood dans ses films, c'est que je pense qu'il y a des scènes qui sont, peut-être qu'on s'en rend pas compte tout de suite, mais qui vont nous marquer. Dans Impitoyable, quiconque a vu Impitoyable, comment ne pas garder en mémoire la scène finale de Impitoyable, quand ce vieux cow-boy sur le retour se révèle réellement impitoyable. Comment ne pas garder en mémoire ce moment où il nous fout la trouille, même en tant que spectateur. C'est un tour de force. Moi, Un monde parfait avec Kevin Costner, il y a une scène où il y a des pales d'hélicoptères qui tournent au ralenti, là, c'est d'une beauté. Et en fait, en regardant sa filmo, j'ai réalisé que presque pour chaque film, j'avais des flashs de scènes qui étaient réalisées, qui me revenaient, et que j'avais beaucoup apprécié des films auxquels je croyais pas du tout. Space Cowboy, franchement, des vieux qui partent dans l'espace. Qu'est-ce qu'on en a à branler? Non, mais sur le papier, moi, ça m'excite pas. Et en fait, c'est super fort. C'est arrivé à Million Dollar Baby, ça a été vendu comme un film avec une boxeuse. Rien à foutre, j'ai mis 5 ans à le regarder. Jusqu'à ce que je réalise de quoi ça parlait vraiment. C'est arrivé à... Voilà, encore un, et ça encore m'a retourné le cerveau encore. À la fin, mais et encore une serpillière. C'est ça, c'est que c'est très malin. Sous un couvert, des fois, un peu... pas grand public, mais disons que voilà, c'est un peu du on va dire, c'est comme maintenant, c'est comme le putaclic de maintenant, c'est-à-dire qu'on va essayer de tapater avec un truc qui a l'air somme toute très basique, mais qui en fait derrière ça te met un coup un peu vicieux là dans le foie, hein. C'est ça, exactement. Un enfoiré. Je m'attendais pas à ça, tu vois. C'est vraiment typique. Beaucoup de ces films sont comme ça, quoi. J'ai un dernier point sur Clint Eastwood, et pour lequel je pense que c'est un type qui est très très intelligent sur ce qu'il fait. C'est que dans les films qu'il a réalisés et dans lesquels il se met en scène, il joue de l'aspect iconique de son personnage. Et je trouve que c'est incroyablement futé. Si Impitoyable fonctionne, c'est parce que c'est Clint Eastwood. C'est parce que quand on nous le montre, un vieux cow-boy joué par Clint Eastwood, on s'imagine blondin. Oui, c'est qu'on a un passif avec lui, et que tout de suite la scène est mise en place, en fait, tout de suite. Et il n'y a pas besoin de perdre de temps à dire, alors voilà, bon, lui, il a fait ci, Non, tu le sais déjà, puisqu'il est là. On le sait déjà, c'est exactement ça. Et ça m'avait vachement frappé dans Gran Torino, où en fait, la mise en place du personnage, elle est incroyablement simple, puisque finalement... Voilà, moi, en deux secondes, j'ai fait merde, c'est qui arrive vieux. Il n'y a pas besoin de s'attarder, quoi. Et tu sais tout. En trois répliques un peu racistes, c'est bon. Tu sais à qui t'as affaire, il justifie. Tu sais qu'il est âpre dans son vocabulaire, mais que c'est pas un sale type. T'as tout compris en très peu de temps. Et être capable, et c'est quand même, je trouve que c'est une sacrée performance, et c'est aussi arriver à un niveau iconique incroyable d'être capable de jouer de personnages qui viennent d'autres films pour alimenter ton nouveau film. C'est ça, c'est vraiment une sorte de mélange, parce qu'il est devenu tellement tellement ce qu'il a représenté comme personnage, que c'est indissociable, et il a su s'en servir, comme certains, ça leur colle à la peau, ils ont jamais réussi à s'en dépatouiller, ils ont essayé de faire autre chose à tout prix et ils ont pas réussi. Lui, il a accepté totalement et embrassé totalement ce qui représentait dans l'imaginaire collectif, et s'en est servi d'une manière des fois très maligne pour nous retourner, quoi, et retourner justement ce personnage, cette idée, et faire des choses très intelligentes derrière, quoi. Voilà, bon, c'est un petit peu fou, mais bon, j'avais envie de passer un moment là, lui dresser un peu des lauriers à l'ami Clint Eastwood, même si je trouve que son American Sniper est très discutable. Après, oui, c'est sûr qu'il y en a beaucoup qui n'apprécient pas ce côté un peu extrême jusqu'au boutiste, un peu trop à droite. Tu sais, je vais moi, c'est pas, j'ai pas de problème avec ça, parce que je pense qu'il est plus malin que ça. Mais si j'aime pas American Sniper, c'est parce que je pense qu'il tenait un sujet en or pour amener un certain nombre de questionnements, et qui ne sont pas dans le film, et du coup je vois pas l'intérêt de ce film, parce que Eastwood il cache pas tellement ses positions, mais c'est pas non plus un extrémiste, hein. Je pense qu'il fait passer des choses dans ses films qu'il a réalisés, donc dont il choisit des sujets, qui montrent que c'est pas non plus un bourrin, quoi. Non, je pense que lui, qu'il y a vraiment quelque chose derrière, qu'il n'est pas juste l'image qu'on se fait, ou qu'il y a quand même quelque chose de plus. Mais bon, après, il y a ça, qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent entrer en compte, hein, autant des pressions extérieures que l'âge, que voilà, tout ça. Bon, c'est vrai que c'est possible que oui, il y a des choses qui auraient pu peut-être aller plus loin. Mais après, voilà, c'est des fois, il y en a qui peuvent se dire, si tu vas trop loin, ça va moins bien marcher. C'est ça aussi, hein, comme c'est encore, comme on disait avec le troisième film, hein, c'est pareil, c'est toujours le même genre d'histoire. Bon, après, il a quand même pu faire pas mal de choses. Ouais, je te propose qu'on attaque sur le dernier film de la série de Dirty Harry. Alors là, on fait un bond jusqu'en 1988. 5 ans encore. Pour The Deadpool. Allez les mecs, Jack, maniez-vous le cul! T'as oublié ton gâteau surprise? Quoi? Si vous croyez savoir dans quelle aventure est embarqué l'inspecteur Harry, regardez-y à deux fois. Pas un secret, la liste noire est un jeu inoffensif. Moi, ça me semble pas normal. Je vais en faire une réalité de son jeu. Le jeu va continuer. Au cas où vous n'auriez pas compris, Callahan, votre nom aussi est sur cette liste. T'as pas pigé? Le jeu, c'est de choisir des célébrités qui font pas de vieux os à cause de leur âge, de leur maladie ou de leur profession à haut risque. Comme celle d'Afflick? Rien de personnel, ma biche. J'ai l'impression que cette histoire de liste noire vous rend paranoïaque, Callahan. Moi aussi, je vais faire ma liste noire. Et je vais vous mettre dessus. Vous me menacez? Si vous jouez à la liste noire... Pour mieux connaître les règles, ma biche. Clint Eastwood est l'inspecteur Harry. L'inspecteur Harry est la dernière cible. La dernière cible, mais je trouve que ces 5 ans, ils comptent vraiment, parce que j'ai une vraie différence, je trouve, avec les autres. Donc là, pour le coup, c'est un film qui n'a pas super bien marché, hein, qui a fait 38 millions US en 88, c'est pas énorme. C'est même que les premiers, mais c'est quand même quasi deux fois moins que le précédent. Ouais. Et d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais la réception du précédent, donc du quatrième, elle était assez moyenne, voire négative quand même. Alors que on est tous les deux d'accord pour dire que c'est quand même un des meilleurs. Alors attention, pas en France. Possiblement, pas en France. Mais en tout cas, Et c'est là où c'est un peu fou, parce que t'as raison. C'est pas par rapport au budget notamment et à l'époque, ça aurait dû faire beaucoup plus. Mais tu vois, en France, ça a été reconnu comme un film. Où il y a la critique a pas mal peut-être d'influence aussi, ça a presque fait le million. Mais en tout cas, la critique à la sortie était pas exceptionnelle dessus. Pourtant, ça a quand même bien marché tout ça. Mais c'est vrai que même la réalisation de Clint Eastwood était critiquée. Je pense que Clint Eastwood a beaucoup été critiqué parce que il ressemblait pas forcément aux autres acteurs. Il y avait des idées très arrêtées. C'est possible, bon, voilà. Il a assumé beaucoup de choses et ce qui fait qu'il était aussi très critiqué par. Faut quand même avouer que l'univers d'Hollywood est quand même très à gauche. Donc bon, c'est sûr qu'il a dû s'en prendre des vertes et des pas mûres aussi dans cette idée-là, mais j'ai quand même été assez étonné de découvrir quand même que les critiques étaient quand même au mieux moyennes, au pire quand même négatives, alors que je trouve que le film est franchement un des meilleurs de la série, quoi. Donc j'ai trouvé ça assez étonnant, et surtout quand tu vois justement The Deadpool après qui arrive. J'ai quand même été un peu. Moi, en tout cas, je suis quand même un peu déçu. Il y a des trucs. Alors, bon, le résumé de Deadpool. Hein. Donc, le résumé, hein, c'est Harry qui enquête sur la mort d'une star du rock, ce qui met à jour un jeu morbide qui consiste à deviner qui seront les prochains morts, et Harry est sur la liste qu'il trouve. Alors, très, très clairement, moi, j'aime beaucoup le pitch. Oui, moi, c'est ce que j'allais dire, tu vois. Le pitch est intéressant, et au final, quand tu vois le film, tu te dis, mais vous avez raté un truc, là. Enfin, je sais pas. C'est... Tu sais, j'hésite un peu parce que je pense que ce film, il est pas bon, mais il est tellement années 80 que ça me le rend un peu sympathique. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Dans certaines choses, oui, et dans d'autres, je trouve qu'il est quand même pas mal à côté de la plaque. On a quand même, au début du film, hein, Welcome to the Jungle, hein, qui est chanté par Jim Carrey. Alors j'ai eu du mal. Hein. Star du rock. J'ai eu du mal parce que. You're out of sync, Johnny. Yeah. What's the problem here, love? Where is that? Alors c'est un de ses premiers rôles, hein, justement, à Jim Carrey. Ouais. Et c'est là que tu te rends compte qu'il a pas changé, en fait. C'est que de c'est la exactement minute, c'est trop il ça. Il a pas changé. Et là, j'ai eu l'impression de regarder un sketch du Saturday Night Live avec quelqu'un qui fait n'importe quoi sur la musique de Guns N' Roses. Alors que nous, en fait, il est censé vraiment être sérieux, enfin plus ou moins. En fait, il joue le mec défoncé. Oui, mais ce qui est génial, ce que tu dis, c'est tellement vrai. C'est-à-dire que pour le coup, celui-là, je l'ai vu à sa sortie à l'époque. Je pense que l'impression devait être différente quand même. Mais oui, parce qu'on savait pas à quoi il ressemblait, Jim Carrey. Donc, ce qu'il faisait, on se disait, c'est un mec défoncé. Ouais. Et quand j'ai revu le film, j'ai fait merde, c'est le masque. Ouais, c'est ça. Où j'ai l'impression qu'il s'est fidèle Ventura, qu'il allait commencer à faire des trucs, machin, et tout, à marcher en arrière, à parler, ou je sais pas quoi. Et en fait, non, après, il a une autre voix, il a l'air sérieux, il se calme et tout. J'ai dit, oh là là, attends, y a rien qui va là, c'est pas possible. Ah, c'est ultra pas crédible. En fait, ça marche pas une seule seconde. Je pense qu'à sa sortie, ça devait être différent. C'est vrai que si on le voit maintenant. Bah, on y pensait pas trop. En fait, il s'avère que ce film, j'étais allé le voir au cinéma parce que, déjà, parce qu'à cette époque, on allait au cinéma pour vraiment pas cher. Et puis parce que j'avais trouvé la chanson de Guns N' Roses super cool. Je trouvais que ça avait la patate et tout. Il y avait des bandes annonces qui sortaient. Je me suis dit, oh, ça a l'air trop bien! Je connaissais les Dirty Harry d'avant, je les avais vus sur mes VHS, hein, j'avais un coffret de VHS Dirty Harry. Et ouais. J'étais trop content d'aller le voir, mais j'ai pas du tout percuté là-dessus. J'avais déjà trouvé ça pas terrible à l'époque. Hein. C'est vrai que c'est assez faible. Je sais pas, c'est assez étrange en fait, mais c'est pas comme le troisième, mais c'est difficile à dire quoi. J'étais à peu près dedans parce que justement, bon, je l'avais jamais vu celui-là. J'avais vu les autres, mais celui-là, je l'avais jamais vu. Et je l'ai regardé là aujourd'hui. Et j'étais quand même assez dedans. Je me dis, bon, ça va, bon, tu sens qu'il est un peu vieilli, mais c'est pareil, il flingue encore des mecs. Ah, moi, c'est le premier film où j'ai l'impression qu'il est vieux. Alors que 5 ans avant, tu vois, ça m'a pas si choqué que ça, on va dire. Mais, disons que, le voir flinguer des mecs sans armes qui fuient, je me suis dit, bon, on veut montrer que le type il est jusqu'au boutiste, hein, les types ils essaient de le tuer, ils sont là, non, il sort de sa voiture encore un peu, et encore un peu comme Robocop, c'est vrai, son clairement. Droit, il sort de sa voiture et il tire sur les mecs, là c'est pareil, il fait un peu le même. Le mec il ah non, il sort, il s'enfuit, et l'autre il sort, il s'en fout, et il met une bastos dans le dos. Mais j'étais encore assez dedans, mais il y a des trucs qui m'ont perdu. La scène de la voiture radiocommandée, ça m'a perdu. C'est compliqué. Ça m'a totalement perdu. Alors, parce que, c'est marrant. C'est surréaliste. C'est impossible. Ouais. C'est impossible. Et puis, parce que c'est complètement impossible. Con, merde. C'est ça. C'est ça. Alors, c'est marrant parce que j'avais trouvé ça, moi, plutôt nul. Et quand je l'ai revu, en fait, j'ai trouvé ça suffisamment débile pour être marrant. Un peu, si tu dis, mais. Voilà. Et puis, même le fait que ça se pète à la gueule. Et puis, alors, l'autre, il est blessé. Puis, hein, il a encore rien, comme d'hab. Hein. Il est en béton armé. Il a rien du tout, le film. Non, puis quand tu revois le film, et donc je savais qu'il y avait cette scène qui devait arriver, et quand j'ai relancé le film, à vrai dire, je me souvenais plus trop comment ça se passait vraiment, et j'avais oublié que le gars qui conduisait la voiture télécommandée, donc pour expliquer, si pour ceux qui n'ont pas vu le film, il y a une bombe dans une voiture télécommandée, et le gars il amène la voiture télécommandée sous une autre bagnole. La première fois qu'il fait ça, soit. On va dire, bon, il faut être un peu moderne, voiture radiocommandée, faut être dans son temps. Le soit. Mais alors, le coup du mec qui conduit à fond les ballons dans les rues de San Francisco. C'est ça, c'est qu'il y a quand même une poursuite, il faut décrire le truc. T'as une poursuite entre la voiture conduite par Harry, donc qui saute. Hein, ah oui, mais alors, attends, la manière dont c'est mis en scène aussi, c'est n'importe quoi. Les ralentis, les bosses géantes de San Francisco ralentis, mais tu te dis, mais pourquoi ça. Et puis après, t'as la voiture radiocommandée. Alors, et là, qui est derrière, qui va donc quand même à la même vitesse qu'une voiture qui fonce dans les rues. Hein. Donc, c'est donc une voiture télécommandée qui doit taper du 100 km/h, ça doit voler en fait. C'est un avion. Mais donc, il court après, comme ça. Et donc, derrière, le mec qui conduit la voiture télécommandée, qui doit forcément suivre à la même vitesse. Il conduit sa propre voiture. En conduit, mais en même temps, il contrôle sa voiture télécommandée. Donc, mais non, c'est pas possible. Déjà, c'est pas possible. C'est complètement invraisemblable. Cette scène, c'est une. Ça ressemble vraiment à l'idée de scénariste un soir de beuverie. Il fallait forcément faire ça et il fallait trouver un moyen de le faire, quoi. C'est donc je suis d'accord, cette scène c'est vraiment, mais s'il y avait que ça, et mais tu vois, c'est là où je suis partagé, parce que ça c'est vraiment pour moi un film années 80 typique, c'est-à-dire que là la ligne rouge elle est franchie. T'as la voiture télécommandée, mais t'as pas que ça, on a quand même Harry avec un harpon. Oui, la fin. La prochaine, c'est pour toi. Fuis-moi, Callahan. Peut-être que t'auras de la chance. Peut-être que mes muscles ne se contracteront pas et n'enfonceront pas le couteau dans sa gorge. Lâche-la. D'abord le flingue. Pose-le par terre et pousse-le vers moi. Le temps qui t'était imparti est écoulé, qu'est-ce qui t'arrive ? Tu t'es enfermé toi-même, grand con! Oui. Juste toi et moi, t'es con. Harpon. Bah, celui qui a le plus gros, hein. Non, mais... Et quand tu regardes. Mais oui, bah, c'est ça. Que le... Heureusement qu'il n'y a pas. Y a pas... S'il y avait un nouveau film, Harry, je pense qu'il se battrait avec une grue. C'est en fait, vois, c'est ça, c'est le méchant, il a son flingue. Et donc, bah, Harry doit encore avoir un flingue encore plus gros. Et il sort le harpon anti-baleine. Parce que c'est pas le harpon pour aller tirer sur des poissons. Hein. C'est le truc pour les baleines. C'est pas pour choper une vive ou un truc comme ça. Non, non. C'est vraiment le canon, le truc de baleinier, quoi. Et le type, il le plante avec ça, quoi. Et le mec, il a même plus de balles. Il lui dit en plus qu'il a plus de balles. Il met rien à foutre. Il lui plante le machin. Tiens, je me suis fait chier à le prendre, oui. Le harpon. Tu vas te le ramasser. Mais voilà. Et alors, t'as le chinois qui fait du kung-fu. Bon, ça. Bon, ah oui, ça dure dans le genre. Pas, alors là, voilà. Ok. Mais c'est... Déjà, tu sens le truc, tu vois. Ça aussi, années 80. Ouais. Bon, y a un chinois. Déjà, il doit être fort en kung-fu. Parce que le type lui sort. Ah, en plus, un chinois, c'est super pour l'image de la police, machin. Et tout le monde le regarde, là. L'autre, il fait un facepalm. Mais il y a plein de petits trucs comme ça qui. Et comment vous comptez faire, lieutenant ? Eh bien, à mon avis, en ce moment, vous servirez plus la police en travaillant avec moi aux relations publiques. Vous savez, les avis, c'est comme les tours du cul. Tout le monde en a un. Oh, c'est compliqué, hein. Il y a quand même Liam Neeson avec une petite queue de cheval ridicule. Tu vois. Il est tout mignon, là, comme ça. C'est, non, bon, voilà, il y a beaucoup de choses dans ce film. Alors, je pense qu'on peut quand même dire que c'est un mauvais film, hein, au global. Mais est-ce que un mauvais film, ça nous empêche d'avoir un film devant lequel on passe un bon moment? Jusqu'à la voiture à lui commander, oui. Disons qu'après, j'ai eu du mal, hein, quand même. Hein. Putain, ils ont quand même osé faire ce truc, merde. Alors, moi, je dois dire qu'il y a un moment donné où, là, pour le coup, pour moi, on arrive dans quelque chose qui touche à la parodie. Peut-être que la frontière, ouais, elle se fait avec la voiture télécommandée. Et là, ça part vraiment en vrille. Il est nul, quoi. Ouais, il est pas charismatique. On le voit qu'à la fin du film. Voilà. Non, il sort de nulle part un peu en plus. Ouais, donc c'est un petit peu con. Vraiment, j'ai eu l'impression que le scénar, pour moi, c'était un peu un épisode de Columbo, quoi. Oh non, c'est mieux foutu dans Columbo. Ouais, c'est possible. Dans Columbo, l'enquête, elle est un petit peu branlée et tout, parce que là, il y a quand même un truc. On vous a quand même pitché le truc avec cette histoire de liste, ce qui est quand même assez sympa. Il y a des paris en fait sur une liste. Mais en fait, on s'en fout dans le film. On l'oublie très vite. Oui, parce qu'au final, dans le film. Je sais même plus sur quoi ça part. Je l'ai vu aujourd'hui en plus, hein. Mais sur quoi ça part? Parce qu'il y a l'histoire qui meurt, et puis après il y a la liste qui déboule seulement au bout de quoi? La moitié du film peut-être? Il y a la liste qui sort. Oh, je comptais sur toi pour te rappeler, parce que moi là, j'ai l'impression qu'on s'en fout de cette liste assez rapidement. Ça sort quand même à un moment, mais quasiment à la moitié du film, et on sait pas trop quel est le but du méchant. Les autres méchants avaient tous un but bien défini. Mais là, on sait pas trop, et puis au final, on se rend compte que. Le but du méchant, il est nul, enfin c'est juste le mec, il est fou. Puis il est méchant. Ouais, voilà, et puis au final, Harry, il est dedans, et pourquoi il est dedans en plus? Bah, parce qu'il vit dangereusement, parce qu'il a l'habitude de sortir dans les rues et flinguer les mecs en marchant, quoi. Ouais, mais on sait même, à un moment, le méchant, il l'ajoute à sa liste. Si oui, il l'ajoute à sa liste justement parce qu'il peut mourir, donc. Parce que je pense qu'en fait, le premier qu'on voit. Parce qu'il faut mourir quand même de mort violente qui a l'air naturelle. Oui, par rapport à la personne, ouais. Parce que je pense que le premier mec qu'on voit ajouter Callahan à la liste, c'est Liam Neeson. C'est pas le. Oui, c'est lui. C'est vraiment Liam Neeson, malgré qu'on le montre pas. Malgré qu'on voit aussi qu'il a une grosse perruque sur la tronche, c'est sûr que c'est même pas Liam Neeson, en fait, c'est une doublure. Mais je pense que c'est par rapport à ça, mais c'est très mal expliqué. C'est vraiment très brouillon. On sait pas où on va. Après, je trouve quand même que le personnage de la journaliste et le rapport au journaliste est assez intéressant. Bah ça, là, ça se tient bien. Enfin, voilà, t'as quelques trucs, mais on sent, en fait, on sent le raccro, quoi, un petit peu partout. Oui, c'est... Bon, il y a des choses intéressantes qui ressortent, mais qui sont un peu annihilées à côté avec des trucs complètement débiles. J'avoue que, comme je disais, le passage journaliste, la remise en cause du journalisme, Callan qui est contre les journalistes, qui dit, oui, alors il y en a, ils sont bien, mais il y en a, c'est des remue-merdes et tout ça, on peut être que d'accord avec lui. Et le fait qu'elle se remette en question un peu, qu'elle se rende compte de l'autre côté de la barrière, ce que ça fait, je trouve qu'il y a une idée intéressante, mais c'est vraiment dommage que tout le reste soit aussi brouillé. Et aussi, un peu parodique, quoi. Puis il y a un côté aussi qui m'a un peu dérangé, c'est que jusqu'à présent, je trouve que Dirty Harry, quand il avançait tout droit avec son flingue devant lui, ça donnait une impression de puissance. Là, dans celui-là, je trouvais surtout que ça donnait une impression que Clint Eastwood, il avait un petit peu de mal à se déplacer en portant un harpon, quoi. Le truc devait être en plastique, à mon avis, c'est vrai, on arrive un peu au syndrome Roger Moore dans Rien que pour vos yeux. Hein. Exactement, c'est ça. Tu dis, est-ce que c'est pas celui de trop, hein, parce que... Amène la doublure limite. Chaise, s'il vous plaît, faut qu'il se lève. Et puis en plus, tu vois la doublure quand il saute dans la benne, la poursuite à la fin, tu vois carrément que c'est pas du tout lui, c'est carrément un autre mec, c'est hyper flagrant. Je pense pas que ça soit encore comme Roger Moore qui vraiment, tu sentais vraiment que là c'était vraiment celui de trop. Mais c'est borderline sur certaines scènes, sur certains aspects où tu dis peut-être que là ça va un peu trop loin. Ça montre des choses qui sont. Ça sort trop, voilà, ça te sort trop du film en fait. Tu dis trop souvent, mais c'est pas possible. Alors que c'était quand même jamais arrivé dans les autres, à part avec le goût du bazooka. Ah ouais, tout à fait. Mais sinon c'était jamais arrivé. Ça restait réaliste et ancré quand même dans une certaine réalité. Là. On est dans le syndrome années 80. Hein. Fallait mettre un peu de n'importe quoi dans tout. Donc, celui-là, il y a eu droit aussi. Il n'y a pas de raison. Et puis en plus, c'est le seul où il n'arrive rien aux coéquipiers en plus. Ah, ça c'est triste. Ah si, il se prend un éclat quand même. Si, il est quand même blessé. Bichette. Il se prend un éclat quand la bombe elle pète. Hein. Harry il a rien, mais lui il s'est pris un éclat. Et heureusement, il avait son gilet, machin, tout ça. Bon, il finit quand même à l'hôpital. Donc, au moins, la règle est respectée. Mais je sais pas, on dirait qu'il y a des choses qui ont été mises parce que c'était dans le cahier des charges. Mais c'est un peu au forcet, je suis un peu mitigé sur celui-là. Bon, je pense que c'est difficilement défendable, mais bon, d'un autre côté, j'ai l'impression qu'on est plus dans le prototype du film Beer Pizza avec 2-3 potes qui passent. Je pense, mais plus que le troisième, alors que le troisième... Ouais. Il y a un côté vraiment un peu pas raté, enfin si. Ouais, moi je dirais si, raté. Si, un peu, il y a quand même quelque chose de raté, même si, comme là aussi, il y a des idées intéressantes avec le personnage féminin, tout ça. Mais il y a un côté raté, alors que là, on n'est pas que dans le raté, on est dans vraiment, on te franchit la ligne et c'est du parodique, un peu pas nanar, parce qu'il faut pas non plus abuser. Mais ça commence à être vraiment. C'est le problème de cette prison. On laisse entrer n'importe qui. J'aime pas qu'un salopard comme toi essaie de me tuer, Gianero. J'ai l'impression que cette imbécilité de liste noire t'a rendu paranoïaque, Callahan. Eh oui, j'en ai entendu parler. Les bonnes nouvelles vont très vite. Putain de vedette des médias qui jouent les héros. Héros aujourd'hui, disparus demain. Rappelle tes tueurs maintenant, compris? Je ne vois pas de quoi tu veux parler. Tu sais, le problème avec toi, Gianero, c'est que t'as trop de temps libre maintenant. Tu as besoin d'un job. Un quoi? Un job! Et moi, je vais te donner un job. Tu vas nous faire le facteur, tu vois? Et ce qui va être ton job, c'est de distribuer le courrier. Tu vois ce gris qui est là? C'est X, le boucher. Et il a tué 3 hommes. Tu veux savoir comment? Il les a mis en morceaux avec les dents. On n'a pas retrouvé tous les morceaux. On pourrait dire qu'il a un appétit assez malsain. Ah oui, après. Eh bien, X est mon nouveau correspondant. Je vais lui envoyer une petite lettre une fois par semaine, simplement pour lui dire comment je me suis occupé de sa mère, qui est malade, et ce que je fais pour lui avoir certains privilèges dans cette prison. Et tu sais le plus intéressant? Le plus intéressant, c'est que s'il m'arrive quoi que ce soit, et que X ne reçoive pas sa lettre, il va vraiment se mettre en colère et il va immédiatement venir te voir, puisque tu es le facteur. En fait, il va probablement venir ici dans ce bureau de poste et il va t'oblitérer la gueule comme un timbre. Voilà, c'est. Bah, il était temps que ça s'arrête. Oui, il était temps que ça s'arrête. Il en fallait pas d'autres. Je pense qu'il l'aurait fait quelques années plus tôt, quand on était vraiment dans la période un peu hardball des années 80. Je pense qu'il y aurait eu, quelque chose d'intéressant. Ah, ça aurait pu. Hein. Ça aurait pu faire un vigilante Harry. Là, Harry à la retraite, c'était une autre affaire. C'était pas Grand Torino. Ah oui. Il sortait le Magnum là pour flinguer du punk. Hein. Mais je pense qu'il y aurait eu quelque chose d'intéressant. Mais là, c'est un tout petit peu trop tard. Et voilà, parce que tous les films hein, qui sont sortis fin des années 80, ça commençait un peu déjà à aller un peu trop loin parce qu'il fallait de la surenchère, hein, comme à chaque fois. Je pense que c'est une question de timing un peu. Il manquerait peut-être pas grand-chose, il n'a peut-être pas manqué grand-chose pour que ça soit mieux, mais là, en l'état, c'est vrai que c'est pas on peut facilement s'en passer, je pense. Ouais, je pense aussi, quand même. Alors, bon, donc, ce film, on va terminer, là, sur l'évolution de Harry, hein. Bon, bah, là, sur ce film, ça joue complètement sur l'anachronisme de Harry, hein, qui est décrit comme un dinosaure, hein, qui est pas de la même époque, etc. Alors, pour le coup, c'est plutôt vrai. Bon, je suis pas sûr que ça fasse avancer vraiment le Schmidblick, hein, ce genre de positionnement, on l'a déjà eu. Voilà, ça n'apporte pas grand chose à la mythologie de Dirty Harry. Et j'avais une petite question pour terminer. Est-ce que finalement l'évolution du personnage de Harry Callahan, c'est pas un peu l'évolution de Clint Eastwood lui-même au fil du temps? C'est une vraie question. Je sais pas, j'ai pas forcément la réponse. Bah, c'est vrai qu'en plus dans le film il y a cet aspect qui devient célèbre. Et donc il y a justement hein, cette fameuse scène un peu marrante avec l'autre qui dit qu'il a fait dans son qu'il faut qu'il change de calbut parce que Harry l'a braqué parce qu'il pensait que c'était un type qui voulait le tuer alors que c'était un type qui voulait son autographe. C'est vrai que ça représente un peu aussi Eastwood est devenu fréquentable entre guillemets alors qu'avant il était peut-être pas forcément c'est avec des grosses guillemets hein, évidemment parce qu'il était quand même un acteur très bankable mais ouais. Il est devenu peut-être plus mainstream à cette époque-là, avec des deux choses qu'il a fait entre chaque Harry, que avant, quoi. Je pense qu'il y a un petit parallèle à faire, qui est peut-être pas entièrement valide, mais je pense qu'il y a quand même un petit truc quand même. C'est une question ouverte. Hein. J'ai commencé à regarder, puis je me suis dit merde, si jamais je regarde de trop près, on va faire finalement une émission de 8 heures, parce qu'il va y avoir toute une analyse à faire. Parce que quand je regarde par rapport aux époques et ce qu'il a fait, j'ai quand même l'impression que dans les... Tu vois, si on suit des épisodes où le personnage, on a tenté un peu de l'adoucir, ou alors de revenir à l'inverse à quelque chose de plus radical, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression qu'on voit... On peut lire aussi la trajectoire de Clint Eastwood par rapport à ça, en regardant ses autres films, en regardant aussi ses engagements politiques, hein, du côté de Reagan, c'est peut-être parce qu'il a fait de mieux, hein, mais c'est parce qu'il a fait de mieux, mais quelque part, c'est aussi ce qu'il a un peu dénoncé plus tard dans d'autres films, en n'hésitant pas à revenir sur ce qui se passe aux États-Unis. C'est un patriote, c'est sûr. Après, la façon dont il le traduit, j'ai pas l'impression de quelqu'un qui est buté. Mais par contre, il y a une chose par rapport à ce que tu dis que je retiens très fortement, c'est que je me demande si grâce aujourd'hui à sa notoriété et à ce qu'il a fait, il a pas finalement rendu plus mainstream des choses qui ne l'étaient pas avant. Tu vois, Dirty Harry, c'est devenu quelque chose d'iconique, et on l'a assez vu, c'était pas du tout le cas au moment de la sortie. C'était pas du tout le cas, même. Et finalement, c'est Eastwood qui arrive à ça. Par sa stature, par sa notoriété, et puis par son œuvre, c'est par le résultat qu'on arrive à ça. Donc, c'est quand même quelqu'un d'important. Ah oui, non, mais totalement. Puis même du côté du western, qui a défini des bases aussi. Je veux dire, il a défini beaucoup de personnages, beaucoup de tropes et tout ça, qu'on a retrouvé dans plein d'autres films derrière, dans plein d'autres styles, qui ont défini des styles à part entière. Et c'est vrai qu'il a joué un grand rôle énorme là-dedans, quoi. Et quand on dit qu'il a joué, en plus, je pense qu'il est sous-estimé comme acteur également. C'est quand même un mec qui a fait donc des Dirty Harry et qui arrive à côté à avoir fait un des meilleurs films romantiques qui est Sur la route de Madison. Absolument. Je veux dire, niveau grand écart, on est quand même plutôt balèze, quoi. Et puis c'est un des rares acteurs qui a opté pour un style de jeu monolithique, mais je pense que lui, il a opté, contrairement à d'autres acteurs qui étaient bien obligés, parce qu'ils n'avaient pas le choix. Voilà, qui étaient bien obligés. Ah, Steven. Et, Mais Eastwood, ça fait partie de ces rares mecs qui finalement, avec une gueule ou une nuance de regard ou sans aucun dialogue, ce qu'il a appris à faire dans les westerns, qui fait passer énormément de choses. Et à mon avis, c'est pas donné à tout le monde. Enfin bon, voilà, moi j'ai beaucoup de respect pour ce type-là. Voilà, c'est ce que je voulais dire. On va aller gentiment vers la conclusion. Bah oui, parce que de toute façon, que dire alors, de plus après avoir fait tant d'éloges. C'est vrai. En plus, je suis très embêté parce que comme conclusion, j'avais un petit peu prévu de parler de la sélection pour faire partie du registre national des films de la bibliothèque du Congrès américain. Mais comme tu l'as déjà dit, tu m'as un petit peu coupé l'herbe sous le pied. C'était vraiment un enfoiré. Alors, tu fais que maintenant j'ai plus de conclusion, je suis super emmerdé, tu vois, parce que j'étais bien parti avec ça, je trouvais que c'était pas mal pour terminer cette émission sur Dirty Harry, de dire que finalement on a peut-être raison d'en parler, quoi, sur VHS et canapé, parce que c'est reconnu comme quelque chose d'important. Qu'un mec avec un flingue qui dit des gros mots, qui se comporte comme un salopard, ben ça peut être quelque chose d'important finalement. Et ça, c'est beau quand même. Oui, ça montre bien que en fait, au final, peu importe un peu le même le fait que sur peut-être qu'à l'époque on prenait pas forcément ça au sérieux, qu'on se disait oh, c'est too much, que donc ça peut être ridicule qu'un flic avec un gros pétard géant qui flingue des méchants, on dit, ah, c'est vraiment bas de plafond. Et ben au final, pas tant que ça, parce que ça représente pour le meilleur et pour le pire. Ça représente un bout de l'histoire, un bout de la société. Exactement. Et une époque. Et voilà, c'est un jalon comme un autre, c'est un jalon important. Et même si ça déplaît à certains, bah, ça fait partie intégrante de l'histoire de l'humanité, de cette notion de justice, de cette notion d'ambivalence un peu, voilà, entre le bien et le mal. Vraiment, c'est exactement ça, quoi. Moi, je trouve que vraiment, là, c'est très beau ce que tu viens de dire. Ah non, mais Harry, ça représente l'histoire de l'humanité. Je pense que là, on est bon. Pour une conclusion, c'est génial. Mais non, mais je trouve vraiment que ça va beaucoup plus loin qu'un simple type qui flingue des méchants parce que machin, respecter la loi. Ça traduit voilà cet aspect de l'être humain à devoir faire des choix, à dire, à savoir où s'arrêter entre ce qu'il pense être le mieux à faire et le bien commun. Et je pense que c'est pour ça que c'est un des films qui a été choisi pour ça et pour être gardé en mémoire et toujours être étudié et parlé dans 10, 20, 30, 50 ou peut-être 100 ans. Voilà, je trouve que c'est bien une preuve que c'est quelque chose de très important. Le message qu'il y a derrière est très important. Et comme on disait, les questions qu'on se pose en le voyant, les questions qu'on s'est posées tout au long justement de tout ce temps de podcast, c'est des choses que le film amène et qui sont très importants, je trouve. Ben écoute, je pense qu'on va en rester là pour cette émission. Donc cette émission de VHS et canapé exceptionnellement courte, puisque finalement on a une émission qui va être quoi de 2h15, ouais. donc un format minime. Je pense que Clippers va râler et se dire qu'est-ce que je vais faire après ça. Il va dire. Mais qu'est-ce que c'est que ces émissions maintenant? Ils font des formats courts pour VHS et canapé. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Bah écoute Bilou, je pense que c'était bien sympa de se promener à travers l'histoire là avec Dirty Harry. Moi j'espère qu'on a donné envie à des gens qui connaissent pas forcément cette série d'y jeter un petit coup d'œil. Voilà, c'est moins folklore que Steven Seagal dont vous avez entendu les aventures dans le dernier podcast, mais d'un autre côté c'est qualitativement supérieur. Très largement. Voilà. Ah, Steven, lui, l'ambivalence entre le bien et le mal, il n'y a pas de question. Lui, c'est l'ambivalence entre les cookies et les Doritos. C'est ça. Puis c'est pas tout de suite gagné pour représentant culturel, historique. Ah non, la bibliothèque du Congrès, Steven, je pense qu'il a juste une carte postale, hein, c'est tout. Il peut visiter. Voilà. Il peut prendre un ticket pour visiter. Et encore s'il peut rentrer sans ses armes, et je suis pas sûr. Enfin bref. Mais non, c'est sûr que qualitativement on est sur quand même d'autres choses, mais ça fait partie de la culture VHS. Voilà, c'est exactement. C'est iconique de cette époque. Et s'il y a des films aussi qu'on a pu parler à d'autres moments et qu'on parlera dans l'avenir, il y a des choses qui sont intimement liées à ce genre de films qui sont très importants pour la culture cinéma. Quoi. Écoutez, ben, si vous pouvez nous dire dans les commentaires, par exemple, quel est votre Dirty Harry préféré, hein, voilà, moi j'aimerais bien. Vous pouvez aussi nous dire à quel point vous avez trouvé cette émission très sympathique, ou alors qu'on a raté des choses, hein, pourquoi pas. Vous pouvez nous dire que cette émission est beaucoup trop courte, éventuellement. Ça vous permettra de vous foutre de nous un petit peu, ce qui nous fait pas de mal aussi. Et puis, vous n'oubliez pas, tiens, pour une fois, je vais penser à le dire, vous n'oubliez pas, si vous avez aimé, de nous mettre les petites étoiles qui vont bien sur iTunes. Si j'arrive à les trouver. Parce que, alors, je sais que c'est pas évident, mais pour vous expliquer un petit peu, sur des podcasts indépendants, comme nous, c'est assez difficile d'avoir de la visibilité par rapport aux podcasts qui viennent, je sais pas, des chaînes radio, des trucs comme ça, où là, ça force beaucoup. Alors que bon, c'est la passion qui nous anime, hein, donc... Et en plus, il n'y a pas de pub. Exactement. Notre but, c'est finalement juste de partager et de répandre un petit peu notre bonne parole sur cette culture ciné à laquelle on tient pas Peut-être qu'on finira nous aussi à la Bibliothèque du Congrès. Voilà. Peut-être que. Pourquoi pas. Mais donc, du coup, si vous pouvez nous filer un petit coup de pouce avec des étoiles sur iTunes, à faire ce genre de choses, ça nous permet d'être découvert également par d'autres qui pourraient apprécier notre travail et également trouver que nos émissions sont trop courtes. Voilà, aussi. Écoute, sur ce, Bilou, moi, ça a été un vrai plaisir de faire cette émission avec toi. Franchement, j'attendais ça avec impatience et je suis très content. Oui, moi, j'avais aucun doute là-dessus, puisque on se connaît déjà depuis un moment. Et on sait qu'on arrive à faire des choses intéressantes et une bonne alchimie dans toute l'équipe VHS, peu importe avec qui on fait, et je trouve que c'est plutôt sympa. C'est vrai que là, actuellement, on a plutôt la patate sur VHS et Canapé. On est content de voir que vous appréciez aussi. Ça nous donne envie de continuer. Alors, on fait plus d'épisodes aussi depuis que vous êtes là et qu'on n'est plus qu'avec Reapers, en étant des gros glands, des fois, à se dire pendant 6 mois, il faut qu'on enregistre. C'est vrai. Mais bon, ça fait le charme aussi des choses. On se fait désirer. Oh là là, c'est beau ça aussi. Écoutez, je vous dis à la prochaine. On n'a pas encore arrêté le sujet, mais aucun doute, on saura s'amuser pour une émission qu'on essaiera de faire plus longue que cette fois. Non, si y a Creepers, ça n'en doutera pas de toute façon. Ouais, ce sera obligé. Allez, bisous Creepers, hein. À la prochaine. Bisous à tout le monde, au revoir. This is a 44 Magnum, the most powerful handgun in the world, and it could blow your head clean off. Do you feel lucky?